Mais c'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Le président s'est prononcé pour un isolement contraint des malades du Covid. Contraint, on l'écoute. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. On peut imaginer que chaque individu accepte, volontairement ou sans le savoir, une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Tout d'un coup, on veut republier les textes antisémites de Céline. C'est un scandale. On est là encore. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous tuer? Bah, dites-le plutôt clairement. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 6, épisode 35. Alors, cette semaine, comme toutes les semaines, on procède au rappel traditionnel. Si vous souhaitez nous contacter par email, sachez que nous avons une nouvelle adresse, dempart@setemplar.com, je répète, dempart@setemplar.com. Nouveau service d'email basé en Islande dont je recommande l'utilisation, autant en tout cas que l'on ait envie d'utiliser des emails, tout simplement. Des lois très protectrices encore en Islande. Deuxième point, évidemment, c'est le forum EELB.SU, Europe Écologie Les Brins. C'est le forum de l'opposition, on va dire, non conforme. Alors, bien sûr, on peut y commenter les émissions, on peut y discuter de sujets d'actualité. Il y a différentes rubriques que vous pouvez découvrir ou redécouvrir, un guide racial des villes, etc. C'est surtout l'occasion, en fait, de discuter avec des gens qui pensent un petit peu comme nous. C'est pas forcément très courant, c'est sûr. Alors, avant de remercier les donateurs grâce auxquels, justement, le forum, le site... l'émission, enfin tout ça tourne, eh bien, on va d'abord présenter les membres de la semaine. Alors, on sera en équipe réduite cette semaine, mais enfin, le talent est présent, je le crois. Alors, salut Fulbert, j'espère que tu vas bien dans ta belle Belgique. Bonjour Gandalf, et tout va bien, merci, et bonjour à tous. Aussi avec nous cette semaine, Alex, qui nous fait le plaisir de nous rejoindre. On va discuter notamment des évolutions et des révélations ou des confirmations relatives à l'origine du Covid-19 et d'autres menaces potentielles. Je pense que certains auditeurs seront assez surpris de ces révélations. J'espère que tu vas bien, Alex. Ça va, merci. Bonjour à toi et bonjour à tout le monde. Est aussi avec nous cette semaine, Pierrot, j'espère qu'il va bien, notre ami Pierrot, des sujets de société qui pourraient t'intéresser, Pierrot, je crois. Je pense que tu sais à quoi je fais allusion, nos auditeurs vont le découvrir, bien sûr, en nous écoutant. J'espère que tu vas bien. Oui, j'ai hâte. Bonjour Gandalf, bonjour à tous. Alors peut-être nous rejoindra durant l'émission Popopopovic, nous verrons bien, c'est un petit peu au prorata aussi de la disponibilité des uns et des autres. Alors avant d'entamer l'émission proprement parlée, on va remercier les donateurs. Alors sachez que cette émission, ce site, ce forum est intégralement financé par ses lecteurs et auditeurs, et uniquement cela. Nous n'avons pas accès aux plateformes de financement traditionnelles, Litchi, Tipeee, etc. Bon, ça tombe sous le sens. La censure veille, bien évidemment. Il en va de même pour PayPal. Je ne parle pas des moyens bancaires traditionnels. Bon, il est entendu que par tous ces moyens-là, il est impossible de nous financer. Donc, le seul moyen pour nous de fonctionner, c'est Monero, cette crypto-monnaie qui garantit l'anonymat des personnes qui s'échangent de l'argent par ce biais, ainsi que l'anonymat du montant des dons. Donc, je présente maintenant depuis plusieurs années cette alternative et elle est très importante, bien sûr. Donc n'hésitez pas, pour vous, à vous familiariser avec elle et, encore une fois, sans soutien de la part de nos donateurs, eh bien, on ne peut pas fonctionner, c'est aussi simple que ça. Alors bien sûr, on aimerait avoir des moyens de financement plus institutionnels, voilà, mais c'est tout simplement pas possible, c'est vraiment la clandestinité la plus totale. Alors nous avons bien sûr chaque mois des donateurs qui nous soutiennent dans l'anonymat le plus strict, c'est-à-dire qu'ils ne se manifestent pas, ne nous envoient pas de messages, ne nous disent pas qu'ils ont fait un don, mais on pense quand même à eux, on les remercie de leur soutien régulier, on sait qu'ils sont là. Et puis il y a ceux qui se manifestent, sachez que si vous nous faites un don, vous pouvez nous envoyer un petit mot pour nous le dire, et on vous remercie dans l'émission, tout simplement pour par courtoisie élémentaire, c'est la moindre des choses. Et donc je vais maintenant remercier les donateurs qui nous ont écrit. Voilà, mais il n'y a pas qu'eux qui nous font des dons, bien sûr. Alors premièrement, premier donateur, bonjour, j'ai découvert DP il y a quelques semaines, vous voyez, donc il y a des gens qui découvrent assez tardivement l'émission ou le site. J'ai été tellement ravi d'apprendre qu'il existait une communauté de français non lobotomisés que je vous suis quasiment tous les jours désormais. Je commence à me familiariser avec les outils tels que Monero et je vous ai envoyé un premier don modeste de 0,06 Monero pour commencer à vous soutenir. Alors merci, alors on va confirmer. Hein. Alors il avait un petit problème, notre ami, d'inscription au forum. Alors s'il y a un problème, ça arrive, hein. Écrivez-nous à l'adresse email dempart@setemplar.com. Vous nous dites voilà, un problème d'inscription. À ce moment-là, on règle ça entre nous. Alors, on a deux cas qui sont en cours de traitement. Je précise qu'il faut des adresses email qui soient valides et solides, quoi. Donc les adresses email temporaires, ça va pas fonctionner. Ça peut être une explication pour un refus d'inscription. Enfin, si le logiciel refuse de vous inscrire, ça peut être la cause. En tout état de cause précisément, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, en vous remerciant pour votre travail et en vous souhaitant une excellente continuation, et c'est signé un défenseur de la race blanche. Alors, merci à toi, cher défenseur. Don numéro 2, c'est notre mécène, Mélas Autocrator, on ne le présente plus. Salut l'équipe et les auditeurs, j'ai le plaisir de vous adresser mon don mensuel pour la deuxième année consécutive. Force et courage à vous. Alors, merci Mélas. Ça, c'est un mécène. Il donne depuis maintenant, oui, deuxième année. Il y en a d'autres dans ce cas-là, ou des donateurs réguliers, hein, qui font que l'émission peut continuer ou que le site peut continuer à être alimenté. Puis là, il y a des investissements qui sont faits, enfin, qui ont été faits. Et maintenant, il y a le réglage, mais toujours en vue de résister à la censure, puisque la pression devrait s'accroître, normalement. Donc, merci à toi, Mélas. Merci à tous les donateurs, encore une fois. Sans vous, ça ne peut pas fonctionner. C'est aussi simple que ça. Alors, messieurs, commençons l'émission en tant que telle. Rubrique numéro 1, courrier des lecteurs. Alors, sachez-le, vous pouvez nous envoyer vos témoignages sur n'importe quel sujet qui vous semble pertinent. Ils seront lus, pas nécessairement passés dans l'émission, parce qu'on en reçoit quand même quelques-uns, donc il y a quand même un critère de pertinence ou de place aussi par rapport au sujet abordé. Mais vous pouvez constamment nous envoyer des témoignages personnels. Ça peut être sur n'importe quel sujet. Ça peut être des sujets de société, ça peut être lié à votre vie personnelle, ça peut être... Voilà. Et les auditeurs aiment bien écouter des tranches de vécu de la part des auditeurs. Les auditeurs aiment bien s'entendre les uns les autres. Donc voilà. Donc première rubrique. Donc alors voici cet article, ce témoignage, pardon. Donc chers amis démocrates, je voudrais vous raconter un épisode illustratif de La France. Alors évidemment un jeu de mots sur A France Afrique, contraction hein, A France, de 2021 dans un courrier assez bref mais en deux parties. En effet, nous étions deux couples de démocrates en voiture pour un trajet de vacances en passant par l'est de la France. La petite voiture ayant eu besoin d'un plein d'essence, nous avons décidé de nous arrêter dans une station-service sur l'autoroute. Au milieu de la campagne champenoise, je ne donne pas plus de précisions, littéralement perdu dans la ruralité. Première impression effroyable en arrêtant la voiture, voir qu'une Mini noire est devant moi à la pompe à essence et prend un temps infini pour revenir se servir en carburant, alors que toutes les autres pompes sont bloquées. L'explication viendra 10 minutes plus tard. Il s'agissait d'un sale nègre, l'air patibulaire, qui, après avoir bloqué la pompe avec sa bagnole, est allé tranquillement prendre un café épicé en totale décontraction au mépris des gens bloqués derrière lui. Ensuite, l'angoisse sur l'aire d'autoroute elle-même. Une vingtaine de gitans et de gens du voyage, tous en BMW, à comparer avec ma petite voiture alors que je suis un contribuable largement ponctionné par les impôts, qui nous ont dévisagés agressivement, eux et leur horde de larves parasitaires qui allaient zoner autour des autres voitures, sans doute pour faire du repérage de choses à voler. La violence retenue était palpable dans la haine que ces Untermensch crasseux, leurs matriarches voilés, leurs gamins et leurs femmes enceintes jusqu'aux dents semblaient éprouver pour notre groupe de quatre blancs propres sur eux. Finalement, au moment de repartir sans demander notre reste, quatre nègres, très très très noirs, à peine sortis de leur jungle, ont débarqué à pied, d'on ne sait où, pour se rendre à la station, avec l'attirail de prédateurs de banlieue, casquette, enceinte portable à fond, chaîne en or. Le plus triste étant que le caissier de la dite station était un petit blanc tout fragile et gringalet qui devait sûrement voir de sacrés épisodes régulièrement dans ce coin qui était autrefois la vraie France médiévale. On est en Champagne, hein. On aurait dit que la présence blanche avait été abolie depuis longtemps de ce territoire et que la seule contribution attendue de nous était de nature fiscale. Voilà pour la première partie de ce courrier. Donc, c'est les petites tranches de vie de l'autoroute française. Tous nos auditeurs connaissent ça, évidemment. Hein. Je veux dire, on a tous des anecdotes à ce sujet. Alors, deuxième partie. Alors, second épisode, dans un des grands magasins parisiens de la rive droite. L'accueil par une sale négresse avec des tresses dans une boutique de luxe. Et un langage familier en français approximatif. Ben, vous les prenez ou pas ? Adressé bien évidemment aux clients, hein. Vous vous êtes représenté la scène, bien sûr. Quel déclassement pour cet univers autrefois feutré, précautionneux, délicat et commerçant. Surtout un peu avant, le mépris pour nous, donc deux blancs, comme clients, pour se concentrer sur un sale arabe qui dévorait des yeux ma compagne, mais aussi ses nombreuses épouses et ses gosses qui faisaient du bruit dans tout le magasin. C'est logique. Elles ont dû en avoir pour 4000 euros de fringues et cela explique que nous ayons été traités comme des clients de seconde zone. L'impression de cet après-midi passé dans les grands magasins de la capitale a été encore une fois l'absence totale de blancs. Les seuls clients étaient des Chinois, des Américaines qui parlent trop fort, des Arabes, des filles à papa blindé et qui se prennent pour des princesses. Mais les vendeurs et vendeuses étaient grand remplacés par des trucs génétiquement non identifiables, type métis. Deux métis. Reste-t-il des Gaulois à Paris ? Après avoir quitté cette ville et y être revenu ponctuellement, j'ai l'impression que la réponse est clairement non. Tout y est sale et en état de dégradation avancée. Le métro et les rues sont inquiétants. En espérant vous avoir dépeint avec justesse ces épisodes, je vous adresse mes fidèles salutations et mes encouragements sincères à poursuivre votre travail de description raciale. A bientôt, et c'est signé Boomer Remover alias EM. Donc c'est signé Emmanuel Macron, hein, qui nous envoie des petits messages comme ça. Il en a gros sur la patate, Emmanuel, depuis l'Elysée. On pense à toi, Emmanuel. Alors, chers amis, c'est une tranche de vie, hein, bon, bien sûr. L'autoroute française. Alors, on était en autoroute. C'est vrai que c'est toujours marrant, l'autoroute, parce que, vous savez, c'est espèce de grande ligne coupée au couteau dans la campagne, là c'est espèce de grande plaie qui tranche comme ça la France profonde, et c'est vrai qu'on regarde, on porte le regard, c'est la campagne, et en même temps, cette artère est peuplée de toute la France cosmopolite, donc il y a une espèce de, comme ça, à quelques dizaines de mètres, un contraste très fort, qu'on retrouve de manière exceptionnellement représentée sur les fameuses aires d'autoroute. Les aires d'autoroute en France sont toujours des zones d'une extrême... comment dire ? On se sent mal sur les aires d'autoroute françaises. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense à Mad Max. Je ne sais pas si ça te fait l'impression là, tu vois. Tu es perdu au milieu d'une sorte de désert urbain et tu as des hordes de sauvages qui apparaissent un peu partout et tu dois faire gaffe pour sauver ta peau, quoi. Ouais, moi j'ai des souvenirs comme ça, tu sais, de beaucoup de nègres, mais des nègres en boubou, tu vois. Tu vois, des nègres de la jungle, quoi, tu vois. Et aussi, une fois, je me rappelle, avec des collègues, dans des circonstances assez intéressantes, je vous passe les détails parce que ça nous enverrait sur une autre discussion. Disons qu'on était parti, on s'était rendu à Paris pour assister à une réunion assez divertissante. Et sur la route du retour, on croise un bus, sur l'aire d'autoroute, hein, un bus entier de Turcs. Donc femmes et hommes, hein, donc voyage organisé typiquement, les femmes voilées, etc. Alors nous, comme on était avec des collègues un peu rigolos, on a brisé un peu la glace avec les Turcs parce qu'on les a vus tous accoudés au comptoir en train de boire des cafés. Alors, d'après vous, quel a été le sujet de discussion sur lequel, en fait, on a brisé la glace avec nos amis turcs le temps d'un café? Est-ce que vous avez une petite idée? Je pose la question. Aucune idée, mais j'ai bien envie de savoir. Ah, tu sais pas? Allez, devine un peu, là. Je sais pas, l'Arménie? J'en sais rien. Non, non, non, c'était Israël, bien sûr. Hein. On a commencé comme ça, on s'est dit, il y a des gens voilés, on va commencer un petit peu comme ça. Alors, on a dit, ah là, bonjour. Puis on a commencé à lancer un peu. Alors, ça a pris, alors montre en main, une grosse minute, et tout d'un coup, on a vu de larges sourires s'esquisser sur, par ailleurs, des visages qui étaient patibulaires au départ. Hein. C'est-à-dire qu'on nous regardait vraiment, là, mauvais air. Hein. Et puis alors, en fait, quand on a commencé à dire « Israël, là, les grosses... » Et au bout de 3 minutes, on était à tu et à toi. C'était là, c'était voilà, et on a commencé. Voilà. Alors, chacun y allant de ses observations hein, sociologiques, hein, évidemment, sur le peuple élu. Et alors, tout musulman qu'ils fussent, hein, ils étaient quand même... alors, une fois qu'on a cassé la glace, hein, ils étaient quand même... plutôt sympa, hein, voilà, quand il fallait un peu, voilà. Donc des gens religieux, bien sûr, hein, évidemment, mais pas salafistes, hein, les hommes étaient rasés de près quand même, hein, les femmes en voile, les hommes rasés de près, portant la moustache quand même, réglementaire, hein, quand même. Les femmes aussi étaient rasées de près. C'est des Turcs, tu sais, hein, fais gaffe. Mais bon, voilà. Et donc c'est ça que tu crois sur les aires d'autoroute, des trucs invraisemblables. C'est un très grand brassage de population. Et plus tu t'approches de l'épicentre, qui est Paris, hein, pour ceux qui n'auraient pas deviné, plus c'est étrange, en fait. Plus l'ambiance est lunaire. Ouais, tu disais Mad Max, c'est ça. Et surtout la nuit. Parce que, tu sais, c'est les aires d'autoroute, c'est des endroits où, en fait, il y a tout le temps du monde, en fait. Il n'y a jamais de pause. Il y a toujours des gens qui rentrent, qui sortent, etc. Et c'est des endroits qui sont très particuliers, ils sont constamment fréquentés, donc on a toujours un peu l'impression que le temps est un peu suspendu, tu vois, c'est une espèce de micro-bulle, et j'ai toujours trouvé que les aires d'autoroute avaient quelque chose de particulier. Mais il y a une différence, il y a les aires d'autoroute du sud et les aires d'autoroute du nord. Je sais pas si ça te parle. Non, pas vraiment, non. Vas-y, hein. Celles du sud sont plus accueillantes, tu vois, c'est-à-dire déjà le cadre en général est plus... Tu vois, t'as les cigales déjà... Elles sont souvent, même elles mettent des petites explications par rapport au patrimoine, tout ça, ça c'est pas mal, ça. J'aime assez ça. Je les connais bien, moi, je les connais bien, les aires d'autoroute du Sud. Ouais. Ouais. Celles du Nord sont plus froides, elles sont plus, tu vois, et il y a beaucoup de nègres sur celles du Nord, paradoxalement. Non mais c'est vrai, je rigole pas. C'est vrai. Après, dans le Sud, il y a des bicots, quoi, voilà. Ah oui, les bicots. Maintenant, il y a le niveau traumatique. J'ai parlé des Turcs, donc j'ai dit du bien des Turcs. Alors maintenant, il y a les bicots de base, l'Algérien, quoi. Alors lui, tu vois, en fait, quand tu es juste garé à côté d'un bicot qui a sa Mercedes décapotable, rien que sa gueule fait monter la tension dans l'air de 10 degrés. Tu vois ? C'est-à-dire que déjà, tu as de la tension. Il est juste là, et il y a de la tension. Ça se passe comme ça, quoi. Enfin, je vous fais pas des cours, les Algériens. Hein, donc, voilà. Donc voilà. Alors, malheureusement, on les connaît bien. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc voilà, mais c'est un monde particulier, les aires d'autoroute. Et voilà. Et donc bon, dans la tranche de vie de notre auditeur, je me reconnais un petit peu. On a tous vu ça, hein, des profils un peu invraisemblables, ce genre de truc, quoi. Voilà, quoi. Voilà. Mais bon, dans la campagne champenoise, quoi. Bon, Paris, c'est foutu, hein, comme on le sait. Paris. Oui, quand j'y mets les pieds, c'est vraiment que j'y suis obligé. Hein. Mais ouais, maintenant ils foutent des nègres ou des races pas possibles dans la campagne, petit à petit, quoi. Ouais. Ouais, enfin c'est des mecs qui roulent, quoi, tu vois. C'est ça qui a des frayants. Je trouve que c'est ça qui a des frayants, le contraste, en fait, justement, c'est quand t'es en plein milieu de la campagne, à cause de l'autoroute, t'es sur un flux tendu avec je ne sais combien de véhicules qui roulent par jour, d'un grand centre urbain à un autre. Donc tu as cette espèce de contraste, comme je le disais là, qui est tout à fait bizarre où tu as donc ces faciès importés, où tu as du nègre en boubou, et puis tu regardes un peu à côté, tu as les champs, et puis tu as les petites bâtisses rurales d'un siècle qui sont là, bucoliques, tu as quelques vaches, tu vois, c'est la dystopie française, quoi, les aires d'autoroute, je trouve. C'est ça. Après, t'as les chauffeurs aussi routiers, ça, c'est les Polonais, les trucs comme ça. Oh bon, voilà, quoi. Donc voilà. Donc effectivement, c'est peut-être pas l'endroit que j'irais fréquenter en premier lieu en France, hein. Voilà. Alors sinon, après, il y a les grands magasins. Ah, j'ai jamais foutu mes pieds dans les grands magasins à Paris. Si, une fois, je crois, j'étais au Virgin Megastore, je sais même pas si c'est ouvert encore. C'est encore ouvert, ça? Non, il l'a revendu, je crois. Aucune idée. Oh là là. Ah, ça a dû être revendu, ça. Je crois qu'il y avait une histoire. La dernière fois que je me suis promené sur les champs, c'était il y a peut-être 10 ans. Je suis jamais rentré dans un magasin, d'ailleurs, je suis allé sur les champs. Rien que de regarder la vitrine, t'avais déjà envie de casser ton PEL, quoi. Ouais. Bah ouais. Mais là, pour le coup, il y a une baisse du... parce qu'ils recrutent de plus en plus de vendeurs et de vendeuses de la diversité, entre guillemets, dont des négresses de banlieue, hein. Ou des beurrettes. Alors, des boutiques de luxe, parce qu'ils ont plus de luxe. Blanc, en fait. Ouais, alors avec évidemment la qualité du service qui va avec. Hein. C'est ça, c'est-à-dire que tu, en fait, elle t'agresse, quoi. C'est toi qui leur dois du fric, quoi. Moi, je sais pas, hein, je sais pas comment font les Japonais, les Américains pour se taper ces gens-là, je sais pas. Ou les Russes, je sais pas. Ou alors ils fréquentent pas les mêmes boîtes. Bon, Paris est une belle ville, hein. Je veux dire, en termes d'architecture, c'est très joli. C'est une des plus belles villes d'Europe. Mais quand tu lèves la tête, problème... quand tu lèves les yeux. Et puis quand tu renifles, tu vois, t'as une odeur qui t'agresse, tu vois. Non, c'est compliqué. Je comprends pas pourquoi ces gens, bon, déjà, ils viennent, surtout des fois, ils reviennent. C'est-à-dire, tu vas à Paris une fois, t'as visité les trucs, tu dis, ok, c'est sympa cette jungle, mais pourquoi faire, quoi? Alors, autant aller directement à Bamako. T'as des réflexes de garçon, là, tu vois. C'est-à-dire que toi, tu dis que pourquoi et tout. Alors, déjà, shopping, si tu veux. Déjà, les mecs font pas de shopping. Ça n'existe pas. Tu vois, les hommes... bon, t'as quelques mecs, ils aiment bien se saper, ils passent du temps. Bon, ça arrive, il y en a. Mais grosso modo, un homme normalement constitué a horreur de traîner ses guêtres dans un magasin. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Écoute, la dernière fois que j'ai fait ça, c'était cette semaine. J'ai pris 5 articles, ça m'a pris une minute. C'est voilà. Simple. Parce que chaque minute de plus restée dans le magasin, ça me gonfle. Oui, donc voilà. Donc... pour les femmes, aller au magasin, c'est un but en soi. Et en fait, elles arrivent à... Comment dire, les mecs, en fait, essaient quand même d'être gentils avec leurs femmes, donc ils font des concessions. Donc, quand les filles veulent vraiment aller au shopping, bon, bah, le mec, il accepte d'aller un peu au shopping aussi, quoi. Mais pour le coup, le mec, il fait vraiment que subir, quoi, hein, tu vois. Ah bah, je me souviens, alors, c'était il y a quelques années, avec ma ex-gonzesse. Elle m'avait saoulé pour que je l'accompagne en ville faire son truc de shopping, puis il y avait ma mère qui était dans le coup. J'avais calé, voilà, donc je les ai accompagnés. Je savais d'avance que ça allait me gonfler, ça a duré je sais pas combien de temps. Déjà, moi, au bout de 5 minutes, je deviens fou, hein, mais je crois que ça a duré presque 1 heure et demie, ces conneries-là. Et le pire, c'est qu'en voulant sortir du magasin, les deux n'avaient aucun article. Elles avaient regardé des trucs, essayé, elles n'avaient rien pris. Ah, du coup, je me suis énervé, je fais maintenant... Vous prenez un truc, vous m'avez gonflé pendant 1 heure et demie, vous ressortez avec quelque chose. Du coup, j'avais pris un petit truc, puis on est ressorti. J'étais devenu fou. Ouais, ça, c'est les femmes, hein. Il n'y a rien à faire. Et alors, le truc, c'est que si tu leur dis, toi, tu leur dis, non, bah, va faire du shopping avec tes copines, c'est bon, quoi. Et non, faut que tu viennes aussi. Bah, un des gros soucis des grandes surfaces et des grands magasins comme ça, c'est aussi la musique. Très forte, du genre du fun radio ou des choses comme ça, où on voit la pire caricature de la modernité. Pour peu qu'il y ait des écrans plats, on voit les clips de rap ou autres avec les gonzesses à moitié à poil et les rappeurs, vous savez d'où ils viennent, hein, en général, tout ça, bon. C'est assez désagréable parce qu'à la rigueur, bon, essayer de faire attention à son apparence, dans l'absolu, pourquoi pas. Bon, il passait déjà des heures, ça commence à devenir compliqué. Lâcher une partie de son budget, c'est également compliqué, mais bon, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire par Internet, mais pour ça, il faut connaître, par rapport à la marque que vous connaissez, il faut connaître sa taille, etc. Sinon, vous pourriez avoir effectivement des vêtements trop grands ou trop petits, donc c'est un peu désagréable. Donc, de ce point de vue-là, c'est pas totalement absurde d'aller parfois dans certains magasins, mais c'est vraiment pas très agréable de mon point de vue. Alors, messieurs, passons au sujet suivant. Alors, après cette rubrique courrier des lecteurs, rubrique numéro 2, le mâle bêta de la semaine, rubrique inédite en fait, c'est Nota Bene. Hein, Nota Bene, qui est un youtubeur qui fait donc des vidéos YouTube. Ta merde. Oui, on peut y revenir d'ailleurs hein, sur la qualité de sa production d'ailleurs. Hein. D'histoire, hein, c'est son créneau officiellement, donc de la vulgarisation historique. Mais en fait très orienté politiquement, puisque sous un couvert de vulgarisation et de d'exactitude historique, il y a bien évidemment dans le prisme adopté par ce fameux Nota Bene, sur le look duquel d'ailleurs on pourra revenir, il y a un prisme évidemment de gauche, voire même d'extrême gauche. Alors, moi je connais un petit peu la partie histoire, je connais les biais des historiens issus d'université française, on peut le dire que c'est une catastrophe en fait. Ils sont tous plus ou moins marxistes, et ils ont tous des présupposés marxistes, plus ou moins. Il y a quelques rares personnes éventuellement de droite mais rares parce qu'en fait il y a un tri qui est fait. Donc le Nota Bene bénéficie par ailleurs d'une énorme couverture médiatique, c'est quelqu'un qui est dont les médias font régulièrement la promotion en disant à quel point c'est bien, etc., comme porte d'entrée vers la découverte de l'histoire de France. Et pour quelqu'un, en fait, qui n'est pas un gauchiste et qui connaît un petit peu la matière historique, très très vite, on voit à travers justement cette vulgarisation tout le boulot d'embrigadement du public. Alors, typiquement, Nota Bene s'appelait aux mères de famille, si vous voulez, qui sont incultes et qui ont l'impression d'offrir à leurs gamins une vraie culture historique en 3 minutes, le temps de voir une vidéo. Bon, 20 minutes en l'occurrence, parce qu'il y a de l'animation, machin, tu vois. Alors, typiquement, la grosse dinde ménagère, justement, de moins 50 ans, a l'impression d'avoir édifié ses gosses en les ayant exposés à cette chiasse, en fait. Faut quand même en avoir une idée. Alors, le pire, je crois, chez Nota Bene, c'est comment ces gauchistes de merde privatisent toute l'histoire européenne. Alors que toute leur conception du monde est nié par cette même histoire européenne. Parce que c'est quoi l'histoire de l'Europe? En gros, c'est des mâles alpha qui bâtissent des cités, des empires, qui font des guerres, qui se massacrent les uns les autres, tu vois, avec les pages de gloire, de courage, tu vois, les périodes sombres, enfin, toute cette dimension-là, que eux, au quotidien, récusent avec leur discours de gauchistes féminisés, en fait, et même féministes tout court. Donc c'est très marrant, parce que, en fait, tout leur fonds de commerce consiste à dénaturer, pour faire des vues, et pour être dans l'air du temps, des époques révolues dans lesquelles, en fait, il serait tout en bas de l'échelle sociale et probablement trucidé par le premier seigneur venu, en fait. Ça, c'est systématique, quoi. Et bon, je passe là-dessus, mais bon, mais vraiment, le Nota Bene, c'est la caricature de ce truc-là. Vraiment, de l'histoire officielle, vulgarisée pour un public de décérébrés, en fait. Donc, si vous avez l'impression de découvrir l'histoire avec Nota Bene, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, c'est de la désinformation à l'état pur. Je veux croire quand même que notre public en est informé. Donc, quand on a envie d'aborder l'histoire d'une manière, je veux dire, tu vois, tu quittes la trottinette et tu vas plutôt faire de l'alpinisme dans l'Everest, tu vois, tu vas plutôt du côté de chez Forisson, tu vois, c'est déjà plus, tu vois, il y a déjà plus de résistance dans l'effort, tu vois, il y a plus d'enjeux, en fait, hein, voilà. Et, mais il y a plein d'autres passages, hein, je veux dire, qui sont très abrupts, l'histoire de la Révolution française, non-conformiste, etc., enfin, il y a des... Encore que ces derniers temps, sur la Révolution française, il y a une voie un peu moins conformiste qui a été tolérée. Mais ça a été très dur, hein. ça a été acquis de haute lutte. Puis sinon, dans le genre vulgarisation, mais plutôt à droite, il y a des gens comme Sevilla qui ont fait un travail de débunkage depuis maintenant quelques décennies. Voilà. Enfin, voilà. Mais bon, c'était pour un peu recadrer le personnage. Donc un personnage en fait que je n'aime pas donc, par rapport à ce qu'il fait, et en fait que je n'ai jamais pu blairer par rapport à son look, je veux dire, de mec obèse. C'est-à-dire, comment dirais-je, qui n'a pas le respect de son public, en fait. C'est-à-dire qu'il ne respecte pas son public et il t'agresse avec sa graisse. Et ça, c'est insupportable. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive avec ses bourrelets, qui dégueule avec son espèce de goitre, sur lequel, en fait, il rajoute une espèce de barbe, cradingue, généralement, d'ailleurs, pour surjouer une virilité qu'il n'a pas, et on va le voir. Là, c'est plus possible du tout. Du tout. Bon. Mais bon, il s'est fait sa notoriété. Et du coup, il a un rôle d'influenceur, comme on dit. Il a un rôle d'influenceur. Et cette semaine, Nota Bene a fait une vidéo qui n'a rien à voir, en fait, avec sa vulgarisation habituelle, encore que ça pourrait être de la vulgarisation féministe, dans laquelle il explique qu'il s'est fait vasectomiser. Donc, on va revenir hein, sur le but de l'opération. Mais la vidéo n'est pas présentée en ces termes, c'est-à-dire que la vidéo est placée sous une question, c'est présenté sous forme d'une question, est-ce que j'ai perdu ma virilité ? Point barre. Et en fait, quand tu cliques, tu découvres qu'il s'est fait vasectomie. C'est lui-même qui pose la question de la virilité et du lien qu'il y a entre la vasectomie, qui consiste en fait à stériliser l'homme, hein, et la virilité. Alors lui, évidemment, dans sa vidéo, dit que non. Alors, Pierrot, tu as vu la vidéo ? Bon, j'aimerais que tu me dises, toi, parce que bon, en tant qu'homme, quoi, hein, parfaitement fonctionnel, je le précise, quand tu as vu ça, d'abord, qu'est-ce que t'as ressenti ? Qu'est-ce que t'as ressenti quand t'as vu ce mec ? Parce que c'est pas dans ce rôle-là qu'on connaît, je veux dire, donc... Tu le vois tout d'un coup, là, il est assis à côté de sa rombière et il se met à raconter sa vie et il te balance. Comment t'as pris ce truc-là ? Ah, il y a beaucoup de choses à dire sur ce bonhomme, sur cette vidéo. Bon, déjà, je valide ce que tu as précisé auparavant. Le contenu, généralement, est extrêmement faible. Voilà, c'est vraiment ras des pâquerettes. Puis en plus, il y a un truc qui est énervant, c'est que si encore il faisait un truc un peu original... Allez, à la rigueur. Mais là, c'est le mec qui fait un copier de Wikipédia à chaque fois. Lisez d'ailleurs les fiches Wikipédia. Au moins, vous aurez plus de contenu que de regarder ces vidéos de merde. C'est vraiment, c'est abrutissant, je trouve. Bon, sur ce sujet de ce monsieur qui a décidé donc de se rendre volontairement stérile, quand j'ai regardé la vidéo, j'avais un sentiment profond de malaise. Ça, c'est vraiment le truc. Ne serait-ce que déjà par rapport au côté fake de la vidéo. Parce qu'il joue un rôle décontracté en expliquant finalement que oh, c'est pas douloureux, c'est pas si grave. Le mec, comme s'il essaie de nous raconter tiens, ce matin, j'ai mangé une pomme, je suis allé acheter une baguette, oh, puis au passage, j'ai décidé de subir une vasectomie, c'est pas si grave. Alors qu'en fait, le sujet est extrêmement grave, bien sûr, puisque la vasectomie, c'est quasiment définitif, hein, si jamais vous en subissez une. Il y a un retour en arrière qui est possible avec des chances extrêmement faibles. Donc on peut dire que c'est quasiment définitif. Et bon, la première fois que j'ai vu la vidéo, je suais à grosses gouttes. Hein. Je fais, mais ce mec a pris du temps pour faire une mise en scène. Alors j'étais très content de voir dans l'article qui a été publié aujourd'hui, je crois, que d'autres personnes avaient ressenti aussi cette mise en scène. Ça voulait faire naturel alors qu'en fait que tout était scripté. Avec sa nana à côté qui semblait décontractée, ne pas trop prêter attention au sujet, alors qu'en fait elle était extrêmement concentrée sur le sujet. C'est elle qui dirigeait les débats. Ça, c'est ultra cringe, hein. Ça, dans la mise en scène, la nana qui est là, tu sais. Mais c'est des trucs que tu vois chez tous les mâles bêta, en fait. On a tous l'occasion de rencontrer dans des événements à caractère sociaux, quoi, tu vois, une soirée ou machin. Tu reconnais le mal bêta parce qu'en fait le mec parle et t'as la nana qui le coupe et qui le reprend, tu sais. Et puis c'est toujours à la limite, bon, pourquoi pas, mais c'est toujours sur les trucs féministes, en fait, d'accord. Dans une conversation, des fois les gens peuvent s'interrompre, bon, pourquoi pas, mais là c'est vraiment pour appuyer le fait à chaque fois que c'est elle qui est en fait le centre de la conversation et que lui n'est juste que la conséquence. Ah, c'est très intéressant que tu parles de ça, mon chéri. Elle a pas dit mon chéri d'ailleurs parce que ça c'est déjà trop. Parce que du coup, c'est toujours les femmes qui portent la charge, ah ouais, la contraception, blabla. Ah, je regardais pas vraiment la vidéo, je l'écoutais plus parce que j'ai pas que ça à foutre. Je faisais un truc à côté, de temps en temps, jetais un œil. Mais du coup, qu'il y avait des passages comme ça, je regardais. Et le type, il était, vous savez que. Comme un regard de chien battu, en fait. Voilà. Si vous voulez savoir quel est le rapport de domination dans le couple, vous prenez la vidéo à n'importe quel moment, vous regardez pendant une minute, vous avez tout compris. En fait, c'est elle qui prend la culotte et lui. Lui, ouais, non, mais alors, au départ, elle portait le pantalon, maintenant, elle porte les couilles. Complètement, ouais. Non, Et mais donc, c'est ça, bah. c'est ça, hein, je veux dire. Parce que c'est quoi le fond de la discussion? C'est un homme qui est à côté de sa femme, avec une mise en scène où il est là, c'est lui qui est censé parler. Donc il s'adresse à un public masculin, en gros, pour les baratiner, les convaincre. Et derrière, c'est la femme qui contrôle tout, comme tu l'as bien dit, hein, elle coupe de temps en temps pour dire non, non, mais là, tu vois. Et effectivement, le mec, il a une attitude de chien battu, Soumis. quoi. Ouais, de soumis et de chien battu. Et dans son attitude corporelle et dans sa façon d'être, parce qu'il regarde jamais vraiment franchement la caméra, tu vois, on voit bien que le mec est honteux, quoi. Je veux dire, et d'ailleurs, c'est ce que je disais au début quand on parlait de ça, c'est que le titre de sa vidéo, c'est Ai-je perdu ma virilité ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que c'est lui-même qui passe de la question purement technique de la vasectomie comme opération au sujet évident, c'est-à-dire est-ce que t'es encore un vrai mec? C'est-à-dire en gros, tu t'es fait castrer, quoi. Ça revient à ça. Est-ce que t'es encore un mec? Et tu sais, le type, il dit, bah ouais, je suis encore un mec, mais il sait que c'est Bah vaseux. non. C'est vaseux. Enfin, tu le vois dans son attitude que c'est vaseux, que le mec. Et le plus intéressant là-dedans, c'est que donc il vient vers nous, donc là, pour nous baratiner, pour nous dire en fait, il nous explique deux choses, hein. Il nous dit en gros. Bah d'abord, il parle essentiellement, il dit ça fait pas mal. Ce qui est faux d'ailleurs, parce que dans la vidéo, Oui, à deux ouais. reprises, je crois, il montre qu'il a subi des douleurs quand il s'assoit avec son gros bide là. Sur sa chaise, il dit, ah, ça fait quand même un petit peu. Ouais, bah oui, bah, connard, ta femme, elle voulait pas prendre la pilule et maintenant tu t'es fait couper les couilles. Que je te dise. D'ailleurs, elle le dit en plus au début de la vidéo, ça rombière là. Oui, parce que la contraception, vous savez, par rapport aux femmes, ça peut causer des désagréments. Bah ouais, connasse, mais si t'arrêtes de prendre la pilule, ta fertilité revient. Alors que lui, c'est foutu, quoi. Oui, non mais c'est ça. Alors là, il y a le cœur du sujet en fait. Donc le cœur du sujet qu'il n'aborde pas parce qu'à aucun moment le cœur du sujet n'est abordé, qui est la reproduction en fait. Donc en fait, on n'aborde pas le truc. Pendant 10 minutes, il dit ça fait pas mal, alors que le mec, tu vois qu'il douille quand même, hein, alors quoi qu'il raconte. Et il douille parce que il dit, voilà, il faut que l'homme assume la charge de la contraception. Et il dit aussi un truc très révélateur. Il dit, oui, alors mes potes qui ont pratiqué. Donc tu vois déjà que le mec, en fait, est dans un cercle social où, en fait, ils sont régimentés par des matrones. Et tous ces types-là sont des mâles bêta féministes de gauche pour lesquels c'est un marqueur culturel d'appartenance, en fait. C'est-à-dire qu'ils intègrent leur soumission aux femmes, okay, et la vasectomie, c'est un rite de passage vers la soumission assumée. Et phase finale de ce rite de passage, c'est le coming out de l'eunuque. C'est-à-dire qu'il doit être en public à dire, voilà, c'est pas honteux de se couper les couilles. Alors si, évidemment, c'est honteux de se couper les couilles, hein, bien sûr, c'est évidemment que c'est honteux, mais ça fait partie du processus de transformation en mâle bêta total et définitif. Parce que, comme tu l'as bien dit, ça c'est le point central, c'est que tous les moyens contraceptifs des femmes, sauf ligature des trompes, mais c'est très rarement employé, sont réversibles. Donc il y a un retour en arrière. Il suffit que la femme ne prenne plus de pilule, qu'elle enlève son stérilet. Vous comprenez, quoi. Alors que Ou lui. même des méthodes naturelles, qu'il n'y a pas besoin de Oui, passer je veux par dire, ces méthodes-là. Hein, il y donc, a aussi ça. Mais je ne vais lui, pas lui. rentrer dans les détails comme ça dans l'émission, mais c'est quand même pas compliqué à comprendre que Non, mais si tu voilà. t'en tu as 99% de chances que voilà, ça se passe bien et que t'es pas tu ne mettes pas ta femme enceinte si jamais c'est ce que tu veux, quoi. Donc, Oui, tout à bon. fait. Enfin, je veux dire, entre ça et le stérilet, voilà. Bon. Et le truc, c'est que c'est définitif. Et en fait, on en vient au cœur. C'est-à-dire que les femmes ont milité pour la contraception. Les féministes ont milité pour la contraception. En gros, pour que l'acte sexuel ne soit plus productif, mais récréatif. Pour vraiment que la femme ait le contrôle total de sa sexualité pour en faire quelque chose de récréatif. Les hommes sont complices là-dedans parce que les hommes aussi veulent très souvent une sexualité récréative. Bon, c'est un autre sujet, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais il y a un truc intéressant, c'est-à-dire que maintenant que ça s'est rentré dans les mœurs, dans la législation, etc., les féministes veulent aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'elles parlent de contraception comme une charge. Je ne sais pas si vous voyez où on en est arrivé, quoi. Donc il faut que ce soit le mec, au nom d'une pseudo-égalité, qui rentre dans le délire de la contraception. Sauf que, comme tu l'as dit, pour les femmes, c'est réversible, pour les hommes, non. Donc c'est un seul choix, une fois dans ta vie, après il n'y a plus de retour en arrière. Pour une femme, c'est quand elle veut. Donc déjà, il n'y a même pas d'égalité par rapport aux moyens, déjà. Et deuxièmement, ce n'est pas une égalité. Vous l'avez bien compris. C'est-à-dire que de toute façon, dans un couple, il y a un chef. Le mythe de l'égalité dans le couple, c'est un truc, un connard, ça n'existe pas. Il y a un chef ou il y a une chef. C'est aussi simple que ça. Et ce que nous dit ce mec-là, enfin cette espèce de mâle bêta là, il nous dit, bah en gros, non, les gars, il faut assumer le fait d'être à la remorque de Bobonne. Voilà, c'est ça le truc. Donc vous vous coupez les couilles, d'accord, parce que vous allez soulager votre femme de cette énorme charge qui consiste quand même à mettre un stérilet, excusez du peu, quoi. Ça peut arriver, hein, des femmes qui ne tolèrent pas la pilule, mais vous avez d'autres moyens. Enfin, si jamais des gens veulent être dans la contraception, j'entends. Hein. Donc c'est une fausse excuse, l'histoire de la contraception. Il s'agit bien pour l'homme d'être le type qui va subir cette soumission intégrale et irréversible à la vaginocratie, et en l'occurrence à sa femme. Donc c'est pas de l'égalité, ça. Hein. C'est de l'inégalité totale en défaveur de l'homme. Ça, c'est très clair. C'est très clair. Donc déjà, si vous voulez, c'est une espèce de pile-poule qui essaye de nous faire passer des vessies pour des lanternes. Et c'est très révélateur que c'est l'homme qui est envoyé vers le public masculin pour leur vendre le truc. En fait, là, le mec est un diplomate. Il vient de voir et dit, bon, allez les gars, maintenant on se rend. Hein, voilà, allez, on baisse les armes, ça y est. Rassurez-vous, c'est pas très douloureux. En fait, ça se passe bien. Faites comme moi, coupez-vous les couilles. C'est ce qu'il faut faire, quoi. Vraiment, voilà. Hein. Et en fait, c'est présenté comme ça, hein, sous une espèce. C'est pour ça aussi qu'il insiste sur le caractère non douloureux et qu'il ne parle pas du tout du vrai enjeu, la reproduction, la famille et ce que ça implique comme modèle de société. C'est parce qu'en fait, il parle à un public individualiste. Il dit voilà, en gros, c'est le confort personnel, etc. Ça va bien se passer. Voilà, allez les gars, faites un effort, quoi. Et c'est vraiment cet effort de démarche, de baratinage. En disant que c'est un bénéfice pour son confort personnel, c'est là l'arnaque. C'est là l'arnaque. Parce qu'en fait, le vrai sujet, c'est la puissance sexuelle reproductrice d'un homme. C'est-à-dire que l'homme, il se définit d'abord et avant tout par sa puissance sexuelle reproductrice. Quoi qu'on en dise. Quoi qu'on en dise. D'accord ? Un homme est quelque part, doit toujours être en possibilité d'avoir un enfant avec une femme, en fait. C'est ça qui caractérise le mâle, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et le démantèlement, là, qui nous est proposé, c'est de manière fielleuse par un mâle bêta pour le compte d'une femme alpha, parce qu'en fait, la femme alpha, elle est à côté, vous l'avez compris. Bah, c'est tout l'objet de l'exercice. C'est vraiment pitoyable, parce que derrière, il y a toute la question du modèle familial. Alors, Pierrot, tu as peut-être quelque chose sur tout ce que j'ai dit ou d'autres choses que tu veux dire par rapport à tout ça, là. Je sais pas, la mise en scène, ou des non-dits, tu vois. Il y a beaucoup de non-dits dans cette vidéo aussi, je trouve, justement. Le non-dit aussi de la fertilité de la femme est limitée quand même gravement dans le temps, alors que normalement, celle d'un homme, oui. Ça va, quoi. Jusqu'à un certain âge, on a quand même des capacités reproductrices, donc le choix de durant toute la vie, en fait. Et d'autant plus, je crois que d'ailleurs c'est toi qui m'avais parlé que Alain Delon, je crois, a eu un enfant assez tard. La soixantaine. Ouais, ouais. Donc vous voyez ça, c'est-à-dire que si demain sa rombière le quitte et qu'il s'en retrouve tout seul, bah lui, pour le coup, pour le reste de sa vie, il aura cet handicap. Et ouais, je suis d'accord, un homme qui a plus les capacités de se reproduire. À moins que ce soit vraiment par un état de vieillesse ou une maladie, etc. Mais pas, je veux dire, par choix, c'est catastrophique. Ça montre vraiment qu'il n'y a pas de volonté de puissance, en fait. Il n'y a pas de volonté de conquérir. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui n'ont pas d'enfants n'ont pas cette volonté de puissance. Ça veut dire qu'en fait, le simple fait d'avoir le potentiel et de le maîtriser, ça en dit long quand même sur la psychologie d'un homme qui est... le caractère fondamentalement psychologique d'un homme, c'est vraiment la conquête. C'est comme ça que je le vois. C'est pas uniquement la conquête des femmes, c'est la conquête du pouvoir, la conquête de tout, en fait. La colonisation, je parle pas de colonisation militaire, hein, mais c'est vraiment comme ça que je vois la psychologie primaire d'un homme. Et ok, on est devenu des êtres évolués à travers la micro-évolution, si vous voulez, et on a pu se faire de cette condition primaire. Mais néanmoins, si on la possède pas, ça montre qu'on a un état inférieur. Donc ce type a un état inférieur pour le reste de sa vie. Quelque part, bon, c'est un gauchiste, gauchiste patenté. Et le gauchisme, quelle est la finalité du gauchisme? La conclusion, finalement, c'est que ces gens choisissent la mort. Le gauchisme, pour moi, c'est la mort. Donc il a choisi de ne plus pouvoir se reproduire. Il n'aura pas de descendance. Et il bah, en a, enfin, écoutez, il a deux gosses, et c'est ça qui appelle en fait un développement d'ailleurs, mais on va y revenir. Si les gauchistes ne veulent plus faire d'enfants et si les droitards veulent en faire, bon bah écoutez, quelque part, Darwin aura prouvé quelque chose, quoi. Mais bon, ça veut aussi dire d'ailleurs que ceux de droite doivent aussi penser à la question, hein, d'ailleurs, au passage, hein. C'est pas que dans un sens. Voilà. Sur la reproduction, là, on est sur quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que c'est l'homme qui bâtit, qui structure, qui ordonne. Hein, il n'y a rien à faire. C'est l'homme qui conquiert les territoires par la force. C'est l'homme qui organise. Et c'est vrai chez les par rapport aux femmes. C'est-à-dire que c'est lui qui s'empare de la femme. L'homme est le principe actif, le principe dynamique. Ça se retrouve dans le fonctionnement même biologique, hein, de la reproduction. C'est-à-dire que avec les spermatozoïdes, l'homme est le principe actif. L'ovule est passif, il attend que le meilleur gagne. Donc on est sur des mécanismes, j'allais dire, cosmiques fondamentaux, là, d'ordonnancement de la création qui sont indépassables, quoi. Et donc l'homme est le principe expansionniste. Et tout homme a envie de s'emparer de territoire, de s'emparer de femmes, de s'emparer du pouvoir, de créer, de bâtir. C'est là que son génie intervient, d'ailleurs. Il rassemble les conditions primordiales pour la base d'un ordre social, en fait. Et donc, un homme qui veut, qui décide de détruire lui-même son potentiel d'expansion, biologique en l'occurrence, admet, en fait, qu'il est sur enfin, qu'il sort de l'histoire. C'est-à-dire que là, lui, il ne sert plus à rien, pratiquement, en fait. Il a peut-être une puissance de travail, mais il fait des vidéos avec, donc je sais pas. Mais en dehors de ça, si vous voulez, dans la course à l'évolution, il a perdu, quoi, vous voyez? Il a perdu. Et le fait de transmettre comme ça ses gènes autant que possible, c'est une pulsion fondamentale de vie, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous allez avoir 20 femmes, et avec 20 femmes, vous allez avoir un gosse ou plusieurs gosses avec chacune. Mais cette tension intérieure est présente en chaque homme, et c'est ça qui le pousse à aller de l'avant, si vous voulez, à être un conquérant. Vous voyez, il doit constamment être en situation de. Et c'est là que le caractère irréversible de cette opération est absolument catastrophique, y compris au plan de la psychologie de l'homme, hein, dans sa nature profonde, c'est que l'homme, c'est celui qui s'adapte à tous les dangers. C'est l'évolution nous a voulu comme ça, d'accord? On est des chasseurs, on est des prédateurs. On ne maîtrise pas toujours notre environnement immédiat. Il peut se passer une catastrophe, vous voyez? Il peut y avoir une guerre, il peut y avoir une grave crise, il peut y avoir... Vous savez, des tas d'imprévus dans la vie, si vous voulez, qui vont du jour au lendemain complètement bouleverser tout ce que l'on croyait acquis. Ça peut être une situation professionnelle, ça peut être une situation amoureuse, ça peut être par rapport à sa santé, etc. Des tas de choses peuvent être complètement bouleversées, qui vont faire qu'on ne va pas du tout percevoir la vie de la même façon à quelques semaines près, parfois. Parce qu'il y a un événement, une rupture. Et l'évolution, il pourvoit à ça. Elle y pourvoit. C'est l'homme qui est l'élément mobile. J'ai dit que l'homme est l'élément dynamique, hein, comme le spermatozoïde, quoi. C'est l'élément mobile. C'est lui qui se déplace. C'est lui qui passe à travers les obstacles. Et quand tout d'un coup il y a une catastrophe, c'est lui qui doit se glisser entre les gouttes pour continuer à porter le feu de la création. Et donc, si tout d'un coup il se passe quelque chose dans sa vie, c'est vrai au niveau d'un peuple ou bien d'un individu, s'il se passe quelque chose de grave dans sa vie, une rupture, ben, il doit passer au-delà. Et vous savez, il y a des gens comme ça, il y a des hommes comme ça qui perdent toute leur famille. Ça arrive, hein. Ça arrive, hein. Je veux dire, un accident de voiture... Vous perdez votre femme et vos enfants en bas âge, par exemple. Bon, alors bien sûr, il y a le deuil, il y a le moment de la perte, on encaisse, mais le temps fait quand même son office, et au bout de 3, 4 ans, bah, on a quand même envie de refaire quelque chose de sa vie. Si on, je sais pas, ça dépend de l'âge qu'on a, mais imaginons quelqu'un qui est, je sais pas, ça peut être de n'importe quel âge dans l'absolu, hein, mais bon, même un trentenaire ou un... Voilà, bon, c'est... Il veut aller de l'avant. Du coup, face à cet imprévu, il doit toujours pouvoir être en mesure de... C'est-à-dire que le potentiel doit toujours être là. C'est ça qui est derrière, en fait, la puissance sexuelle masculine, en fait. C'est pas juste l'acte sexuel, c'est la puissance de création de l'homme et de transmission de cette capacité de création. Et quand tu te coupes les couilles comme cette espèce d'abruti, ben en fait, tu tires un trait de plume face à ça. Tu vois ? Et le mec a une incroyable assurance de bourgeois en se disant « Non, mais de toute façon, ben, ma vie, c'est réglé comme papier à musique. Moi, j'ai ma rombière, j'ai mes deux gosses, c'est tranquille, etc. » Alors que ce mec-là, c'est un trentenaire. C'est un trentenaire. Et pour lui, c'est bon, sa vie est réglée jusqu'à 80 ans. Il sait déjà... Tu vois ? Et moi, ce qui me ferait bien marrer, c'est que sa gonzesse, là, elle lui fasse un plan à la con, qu'elle le largue dans 3 ans, et qu'elle se fasse faire des gosses par un autre gazier, tu vois, et que le type est comme un con tout seul, et il reverra ses gamins tous les 15 jours, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'on est dans une société féministe, profondément maintenant, où la législation est prévue par les femmes, c'est-à-dire que tout bénéficie aux femmes, les hommes n'ont rien, il faut bien comprendre ça. Ils n'ont pas l'éducation de leurs gamins, ils les voient quand la mère veut bien qu'ils les voient, donc en fait, ils n'ont même plus la main sur l'éducation de leurs gosses, ce qui fait que tout leur échappe, et ils ont ce sentiment d'impuissance face à ça, ce qui est particulièrement difficile, surtout vis-à-vis des jeunes garçons d'un homme, quoi. Parce que souvent, les hommes, ils veulent surtout assurer l'éducation d'un jeune garçon. Là, ils voient que ça leur échappe, que tu as des espèces de mal de substitution qui les voient plus souvent que le père biologique, etc. Enfin, ça fout le bordel dans la tête des mecs. Donc, ça me ferait bien marrer que ça lui arrive, à ce con. Parce que ce qu'il fait là, c'est pas anodin. Je veux dire, et ça aussi, c'est peut-être un point qu'on n'a pas abordé. C'est-à-dire que ça a une vocation pédagogique, son truc, c'est de la propagande. C'est-à-dire qu'il aurait très bien pu faire ça, le garder pour lui, ne jamais en parler à personne. Mais au contraire, il a besoin de faire une vidéo pour essayer d'embringuer des hommes faibles dans ce rituel de soumission symbolique à l'ordre vaginocratique. Donc il essaye d'embrigader des jeunes mâles faibles, en fait. Des jeunes mâles bêta. Donc plutôt que d'inciter des hommes à bien agir, il les encourage dans des instincts de mort, vous voyez. Donc cette espèce de gros con mérite que le karma vienne lui sourire aussi à son tour, je veux dire. Vous voyez, parce que, et ça c'est le pire dans les commentaires, le mec est validé. Donc t'as toutes les grognasses castratrices qui félicitent ce mâle bêta d'avoir consenti au rituel d'humiliation, forcément. D'accord ? Elle le félicite, elle dit bravo, machin, truc. Donc le mec, il est content, il a ses petits points de validation. Mais il y a un phénomène d'entraînement à côté de ça. Donc il y a d'autres mecs qui vont essayer de copier ce truc-là en se disant qu'ils font bien. Alors que c'est une connerie. Et je veux dire, il n'y a pas de retour en arrière, quoi. Je veux dire, c'est comme se tatouer, Lulu, je t'aime sur le front et puis le regretter le lendemain de sa cuite, quoi. C'est du même niveau, hein, je veux dire. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Je sais pas si les gauchistes ont décidé de tous mourir. Voilà, oui, apparemment ils ont fait un show de mort. Bon, bah écoutez, tant pis pour eux. Hein. Y a un peu ce côté. Mais bon, c'est consternant parce que le gauchisme, contrairement à la vasectomie d'ailleurs, il y a un retour en arrière possible. Hein. D'ailleurs, on remarquera, petite parenthèse, que les gens qui passent du gauchisme, par exemple, au national-socialisme, ça existe, hein, j'en connais. Généralement, ils font pas le chemin inverse. Voilà. Une fois qu'on est vacciné et qu'on goûte à la vérité, généralement, on y reste. Hein. Même s'il y a des contraintes, hein, parce que la vérité est pas forcément facile à entendre, hein, un peu comme dans le film The Matrix. Et ben, généralement, les gens choisissent quand même de pas trahir leurs idéaux, quoi. Parce que la vérité est a quand même un bon goût. Et bon, voilà. Donc, le gauchisme, on peut en sortir. Si des gens sortent et qu'ils peuvent faire des enfants, c'est mieux. Et puis, malheureusement, ça arrive à des aussi gauchiste qu'il est, ça arrive à des blancs, quoi. Voilà. C'est pas les nègres qui vont se faire des vasectomies, hein. C'est des blancs qui sont pourfaits par le féminisme et le gauchisme. Là, il y a aussi autre chose sur le contexte social et même démographique de notre situation. C'est-à-dire que faire de la promotion pour la stérilisation, comme il le fait, pour conforter l'ordre vaginocratique en place, c'est-à-dire pour conforter le confort sexuel des femmes, pour qu'elles puissent baiser sans faire de gosses. Ce qui est le propos sous-jacent, hein, dans cette vidéo. Se passe dans un monde blanc où on est en plein hiver démographique, c'est-à-dire qu'on ne croule pas sous les gamins. C'est-à-dire qu'on n'en a pas assez. Les blanches, dans le monde blanc, font grosso modo 1,3 enfants par femme. Elles font 1,3 enfants par femme. En France, officiellement, c'est 1,9 chez celles qui ont des papiers français. Soyons sérieux, quand vous retranchez les femmes allogènes et qu'on s'intéresse uniquement aux femmes européennes en France, on est sur du 1,3, du 1,4, exactement comme dans les autres pays européens. Enfin, il y a des pays qui sont dans une situation beaucoup plus grave, là, comme l'Italie, par exemple. Mais je veux dire, on est sur des phases de dénatalité très avancées. Et précisément, à cause de cet hiver démographique, les élites en place, financières, le grand patronat, tous les tenants de l'État-providence, cégétistes et autres retraités, nous expliquent que l'immigration, sa fonction, c'est de sauver le système en nous remplaçant. C'est-à-dire que les enfants qui ne sont pas nés ou qui sont carrément même avortés sous l'effet du féminisme, donc les enfants... 220 000, maintenant, ouais, ça monte, hein. 220 000 avortements par an. Et c'est des chiffres qui montent. On est passé, et en 10 ans, de 180 000 à 220 000 avortements par an. Alors, s'il y a des problèmes de retraite, d'enfants qui à naître qui ne sont pas là, etc., c'est bizarre, on creuse jamais par rapport à cette question-là. C'est toujours, non, non, Mamadou, lui, vous allez voir, ouais, il va régler ceci à notre place. Ouais. C'est exactement ça. Donc, on est dans ce climat-là, dans cette réalité démographique, avec les problèmes majeurs que sont ensuite, qui sont liés à l'immigration de remplacement. L'islamisme, le terrorisme, l'insécurité, la chute de la civilité en France, la destruction du système éducatif qui est essentiellement, pas uniquement, mais essentiellement conditionné par les ravages du remplacement racial, etc. Cet État-providence qu'il faut sauver à tout prix, enfin surtout les retraites des boomers, il faut sauver à tout prix, y compris en bousillant, je veux dire, des millénaires et des millénaires de peuplement. Enfin, je veux dire, je ne sais pas si vous imaginez, c'est pour le confort des boomers, pour leur payer une retraite les 20 prochaines années, on détruit radicalement des millénaires, si ce n'est des dizaines de millénaires d'évolution qui ont produit des pays très sophistiqués au fur et à mesure des siècles et non sans mal. Voyez, on bousille tout ça pour payer des retraites à des vieux cons de 68 arts qui ont créé cette société-là complètement dystopique. Hein. Et dans ce contexte-là, vous avez cette espèce de mâle bêta-gauchiste avec sa grosse qui vient vous dire, surtout les gars, soyez des hommes conséquents, coupez-vous les couilles, obéissez à votre femelle alpha et fermez bien vos gueules, c'est votre fonction sur cette terre. Je veux dire, là, si t'as pas envie de te taper la tête contre les murs, y a rien qui te poussera jamais à te péter la tête contre les murs. C'est juste de l'insanité pure. C'est de l'insanité pure. C'est mis en scène. Et évidemment, t'as tous les tarés potentiels ou réels qui valident en commentaire. Moi, j'ai parcouru les commentaires assez partagés, alors avec des mâles bêta finis qui l'ont déjà fait ou qui vont le faire. Enfin, eux, ils sont perdus pour... ils sont terminés, quoi. Ou alors, évidemment, la pétasse typique qui dit « Enfin, un homme ouvert d'esprit ». Ah, ça, j'adore, ça, tu vois. Ah. il s'est coupé les couilles. Enfin, un mec ouvert d'esprit. Non, mais je sais pas si vous imaginez le truc, je veux dire, quand même. Alors, c'est un public de blanc, hein, nota bene, hein. D'ailleurs. Ça... Ah, totalement, hein. Ouais. Il fait des vidéos pour dire aussi, bah, par rapport à l'histoire, vous rendez compte, le méchant blanc, le racisme, la colonisation, etc. Voilà, on est toujours des enculés. Il fait des rencontres avec ses abonnés, je sais plus où c'était, je crois que c'est dans l'ouest de la France, je sais plus exactement, où en fait, il y a, je sais pas, 150 personnes qui sont rassemblées, lui il est au centre, il y a que des blancs. Il y a que des blancs, c'est public. Bien sûr. Et voilà, donc c'est ces gens-là qui maintenant subissent la propagande. Ça me fait penser à une caricature qu'avait fait le dessinateur artiste malpensant. Ouais. Vous savez, il y a deux vignettes. La première, c'est, je sais plus exactement, je fais ça de mémoire. La première, c'était marqué avortement. Donc on voit une salle d'attente avec, je me souviens, le médecin qui entre dans la salle d'attente. Ouais, il a un nez pas possible, un bon crochu. Et donc il y a que des femmes blanches. Et puis la seconde vignette, c'est marqué maternité, je crois. Et puis il y a que des négresses avec 5-6 gamins. Évidemment, voilà, c'est ça. Là, t'es dans la mécanique de la mort, la mécanique du génocide. Hein. Ceux qui n'ont pas compris que le gauchisme mental menait à la mort, c'est une pathologie mentale, hein, il faut bien l'avoir conscient. Le marxisme, de toute façon, enfin, surtout le marxisme culturel, en phase terminale, est une pathologie mortelle. Hein. Celui qui la contracte a de très fortes chances d'y passer, quoi. Je veux dire, contrairement au Covid-19, d'ailleurs. Mais c'est vraiment très très malaisant, et comme tu disais bien, enfin, l'antiracisme, de toute façon, est réservé aux Blancs. Hein. Il est bien clair que les Arabes ont le droit d'être totalement antisémites. Bon, il ne faut pas qu'ils l'expriment de trop. On les exprime un peu trop, on les renvoie très vite en Algérie, mais enfin c'est quand même très très ponctuel. Les nègres ont le droit d'être ultranationalistes, il n'y a pas de souci. Par contre, l'embrigadement, le lavage de cerveau, avec l'aide des femmes blanches, c'est uniquement pour les petits mâles blancs, quoi, hein. Et ça commence dès le berceau. Parce que n'oubliez pas que dans l'éducation nationale, c'est 80% de personnel féminin qui partage totalement cette idéologie. Donc, les petits mâles blancs sont mis entre les mains de misandres blanches totalement folles qui n'ont qu'une envie, c'est de leur couper les couilles. Je l'ai dit dans les émissions passées, elles n'ont qu'une envie, elles aimeraient pouvoir le faire par la force de l'État, c'est leur couper les couilles de manière obligatoire. C'est-à-dire que ce que vous voyez Ouais. avec Nota Bene, le but, c'est de le systématiser par la puissance publique. D'accord? Là, c'est sur du volontariat, vous voyez, c'est les cobayes, vous voyez. Qui est volontaire? Alors évidemment, le gauchiste, vous savez, là, je veux dire, les missionnaires du gauchisme radical, bon, ils se portent volontaires, vous voyez, un peu comme les missionnaires jadis qui allaient chez les nègres se faire dévorer par des crocodiles, quoi. C'est un peu ça. Bon, mais ça, c'est pour donner des exemples. Mais au bout d'un moment, il faut quand même un peu de coercition aussi. Et je vous dis qu'avec leurs histoires de réchauffement climatique, de questions de décarbonation, de toutes ces conneries-là, au bout d'un moment, ils vont dire, les gars, ils en parlent déjà dans la presse, hein, dire oui, il faut Bien réduire sûr, les mais c'est déjà naissances. le cas. On fait les blancs, un Américain qui naît, et bah, du coup, il va consommer comme, je sais pas, 5 Congolais, et ça va détruire la planète, donc il ne faut pas faire d'enfants. Voilà. Par C'est pas, contre, avec les voilà. nègres américains, c'est tout à fait possible d'ailleurs, hein, qu'ils consomment. Celui-là. Mais comment dire? Non, mais voilà! C'était pas mon propos, mais Non, mais non, non, tu mais as tu vois, compris. mais non, non, mais y a un bain culturel, c'est là, qui est là pour accompagner un petit peu la race blanche vers le cimetière, hein. Ne faites pas d'enfants, et par contre, toutes les 2 semaines, vous allez recevoir un courrier pour donner action contre la faim pour qu'il y ait Voilà. plus d'enfants. Voilà, ouais, bon, ok, Et maintenant, intéressant. et surtout maintenant l'opération Barkhane au Mali, ou bien sous un autre nom, qu'il y ait des blancs qui meurent, parce que c'est très important quand même de maintenir un État au Mali. Tu sais, parce qu'il y a un État au Mali, si vous ne saviez pas. Ah, puis ils y tiennent, hein, l'État malien, on a Ah quand même une ouais, histoire. très important quoi. Hein, voilà. Puis en Un plus. autre soldat qui est mort, je Ouais, pense j'ai vu aujourd'hui ça, ouais. d'ailleurs. Bah voilà, mais encore un mâle en âge d'avoir des gamins, tu vois. Bah tiens, voilà. Ce mec-là, ce qu'il aurait dû faire, c'est retourner en France et faire des gamins, mais en faire 10, tu vois. Ouais. Voilà. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'au bout d'un Vous regardez la moment. photo du soldat qui est mort là au combat. Vous voyez le mâle alpha, c'est clair. Ça, Bah, c'est moi, quelqu'un qui aurait dû. je vois pas Nota Bene, c'est sûr. Ouais. Non, mais c'est ça, les mecs, ils sont là sous contrat dans l'armée. Mais non, le combat, il est à domicile, les gars. Rentrez tous à la maison, faites des gamins à vos femmes. Et voilà, ça c'est une vraie mission d'opération extérieure, vous voyez? Ça, c'est pas. Non, mais c'est vrai, quoi. Et croyez-moi, c'est ça comporte des risques aussi, hein. Il y a C'est des dangereux. risques. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, au bout d'un moment, si vous êtes des patriotes, c'est ça qu'il faut faire, quoi. Je veux dire, voilà. On a un triple embrigadement, l'homme blanc a un triple embrigadement depuis sa naissance. Comme tu l'as dit, par rapport à l'éducation nationale qui est remplie de femmes, dans la structure familiale, bah Des forcément, il y a moitiés, beaucoup hein. maintenant de familles recomposées, etc. Que je connais bien, moi aussi, j'en suis issu, et la garde est principalement accordée aux femmes de manière extrêmement majoritaire, hein, c'est écrasant. Et puis, si jamais vous avez des conflits comme ça dans le couple, vous allez brancher le juge, qui sera une femme généralement. Donc en fait, on rend pas aussi service à l'homme blanc. Il a quand même aussi des, par rapport à sa situation, effectivement. Mais ça n'empêche pas qu'il y a un combat à livrer. Voilà. Donc je dis pas que c'est facile. D'ailleurs, je dis même que c'est assez compliqué. Mais ça veut pas dire que si on fait monte pas ce, si on met pas ce combat, on meurt tout simplement. Donc il faut le livrer, quoi. Il faut y penser. Sur le forum Europe Écologie Les Bruns, on a les membres, évidemment, les démocrates qui réagissent. Et on a Ouragan Quotidien, c'est le nom du membre, hein, qu'on salue bien sûr au passage, qui nous rappelle qu'en fait, cette histoire n'est pas du tout nouvelle, en citant une fable de La Fontaine. Parce qu'en fait, tout se retrouve déjà il y a 4 siècles, en fait. Vous savez, les Français de l'époque, je veux dire, les grands esprits de l'époque, avaient déjà décelé, si vous voulez, les racines de quelque chose qui est en train de prendre forme. Parce que la dégénérescence qu'on vit actuellement, elle n'a pas commencé avec mai 68. Hein, je veux dire, c'est effectivement un pic d'intensité, mais les racines sont déjà présentes il y a un moment. Alors, il cite cette fable et elle mérite d'être lue. Donc, je remercie Ouragan Quotidien de l'avoir cité. Alors c'est le lion amoureux. Enfin, une pause culture. Alors je vous la lis, hein. Le père donc ouvertement, n'osant renvoyer notre amant, lui dit « Ma fille est délicate, vos griffes la pourront blesser. Quand vous voudrez la caresser, permettez donc qu'à chaque patte, on vous les rogne et pour les dents, qu'on vous les lime en même temps. Vos baisers en seront moins rudes et pour vous, plus délicieux, car ma fille y répondra mieux. » Étant sans ses inquiétudes, le lion consent à cela. Tant son âme était aveugle. Sans dents ni griffes, le voilà. Comme place démantelée. On lâcha sur lui quelques chiens. Il fit fort peu de résistance. Amour, amour, quand tu nous tiens, on peut bien dire adieu prudence. Vous voyez ? Tout y est. Excellent, excellent. Ouais, tout y est, vous voyez, toute cette sagesse est présente déjà chez les grands auteurs français, en fait. Vous voyez ? Parce que la nature humaine ne change pas et le vice des femmes ne change pas. Et la bêtise des hommes ne change pas non plus, d'ailleurs. Moi j'invite les hommes à regarder cette pièce connue, c'est les femmes savantes de Molière. Il faut voir les femmes savantes de Molière, il faut absolument les voir. Je l'ai relu il y a pas deux semaines, parce que c'est vrai qu'on en parlait un peu en off avec Gandalf. Sur Amazon, des fois, on trouve des bouquins comme ça, des classiques, qui coûtent vraiment trop fort rien, quoi. Tu peux les relire et les voir. Tu vas sur YouTube, tu regardes la pièce. Il faut essayer de trouver une mise en scène qui est bien. Et en se disant ceci, alors évidemment, c'est du vieux français, etc., mais c'est accessible. Hein. Donc, en fait, c'est quoi l'idée? C'est qu'en fait, tu as une concurrence entre une femme terre-à-terre qui veut un homme qui assume son rôle d'homme. C'est-à-dire, en fait, elle veut un mâle alpha qui veut être père de famille, qui prend soin d'elle. Puis il y a les femmes savantes, c'est ses sœurs. Les sœurs et les mères. Et en fait, elles se piquent de culture. Mais en fait, elles sont ridicules, parce qu'en fait, c'est comme des nègres qui découvrent une centrale nucléaire au Congo. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça sur YouTube. C'est pareil. C'est-à-dire qu'elles en perdent la boule, mais elles sont incapables d'en faire quoi que ce soit. C'est exactement ça. Et donc, il y a toujours une sagesse présente là-dedans. Donc, les femmes savantes, hein, voilà, cette fable de La Fontaine, voilà. Donc, le mâle qui consent, sous la pression sociale, à se faire limer les dents et couper les griffes, dans l'espoir, en fait, d'avoir accès aux femmes. Et il n'en est pas du tout remercié, puisque étant sans défense, hein, comme une place dont on aurait détruit les remparts, eh ben, il est livré au premier quidam venu, hein, les chiens en l'occurrence, qui en viennent à bout sans résistance, nous dit La Fontaine. Eh ben voilà, c'est exactement la même chose. En fait, la valeur d'un homme, c'est la valeur qu'il peut retirer de son caractère de prédateur potentiel. Voilà. Alors si vous démantelez votre nature de prédateur, votre valeur sur le marché sexuel et même sur le marché de l'évolution tombe à zéro fatalement. Donc la valeur de Nota Bene, zéro. On s'en remettra, je pense. Mais lui, non. Nous, oui. Voilà. Mais bon, bon, un long développement, mais c'était nécessaire, je trouve. C'était vraiment nécessaire, parce que tant sur la forme que sur le fond, c'est l'insanité gauchiste la plus absolue, quoi. Mais vous savez, les jeunes, ils voient ça, on leur met ça dans les dents, si vous voulez. S'il n'y a pas de recul, s'il n'y a pas de distance critique, ils peuvent, à la limite, peuvent valider, je veux dire, on peut... C'est l'intoxication, c'est le rôle de l'intoxication. Et en plus, ces mecs, comme ils sont influents, c'est ça le truc qui est pervers. Comme ils font énormément de vues, les mecs se disent, les petits mecs inconnus qui regardent ça, ils disent, putain, t'as vu, les mecs qui réussissent sur YouTube, qui ont une grande visibilité, etc., qui réussissent, les gagnants, putain, en fait, ils se coupent les couilles. Oh. Et tu sais, ils vont faire le lien, ils vont se dire, mais en fait, pour réussir, il faut se couper les couilles, tu vois ce que je veux dire. Et non, pas du tout, surtout pas, c'est totalement faux. Et c'est mis en scène dans cette vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, le type ne porte pas le pantalon, excusez-moi du peu, mais il baisse pas du tout au-dessus de sa condition, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Quand tu vois ce qui se tape, le mec, franchement, t'as des petits gars prolétaires, tu vois, mais un peu malins, avec une belle gueule, ils ont mieux, hein. Bah c'est pas facile parce que pour lui dans la vraie vie, parce que dans la vraie vie il n'y a pas de script, d'accord, donc c'est déjà plus facile pour un type qui a du bagou de briller. Lui ça doit être plus compliqué, Et puis, dans la vraie vie, tu peux pas choisir l'angle de la caméra pour cacher ton gros bide, quoi. Donc, ça aussi, c'est plus compliqué. Ouais, j'ai beaucoup aimé le Red Bull saucisson, ça m'a beaucoup séduit, ça. Un peu d'islamophobie quand même, avec la façon d'étaler son pinard devant les caméras, alors qu'il y a un public musulman quand même, hein. Je trouve ça un peu choquant. Moi, il faut qu'il passe encore un stade, hein, dans l'humiliation. Maintenant, c'est de... dans son Faut qu'il frigo. Se déconstruise. Parce ouais, que ouais, non, mais non, mais c'est ça. Il faut totalement se déconstruire. Il a dit, je suis très heureux de vivre avec un homme qui s'est déconstruit. Ouais, j'ai vu ça. Ouais, non, mais on est chez les fous. Non, mais voilà. Mais moi, je dis que ce mec-là est pas sincère dans ses vidéos tant qu'il enlève pas le khalouf de son frigo. S'il a du khalouf dans son frigo, il est islamophobe structurellement, systématiquement. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc c'est bien beau de se couper les couilles, mais il faut passer à un stade au-delà maintenant. Et je crois que le stade final du gauchisme, en fait, c'est une fois que tu t'es fait couper les couilles. Tu portes la burqa, en fait. Je crois que c'est ça. Tu vois, tu portes la burqa à côté de ta femme alpha. Et elle marche devant. Comme en islam, mais tu vois ce que c'est la femme qui est, tu vois ce que je veux dire? C'est, voilà, c'est. Les talibans inversés. Non, mais attends, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est, t'as le choix entre les talibans ou les talibanes, quoi. Je crois qu'on va, et en Occident, on va vers les talibanes quand même, là. Bon. Méditation, quand même. Méditation, hein. La vache, la vache, la vache, la vache, la vache, quoi. Ouais, Sandrine Rousseau, j'ai vu sa performance. Ouais. Un mec déconstruit. Tu sais, le mec déconstruit, c'est le mec, il a plus de pulsion de vie. Il s'est fait vasectomiser. Comment, il marche derrière sa femme. Tu vois. Ouais, non, là, c'est la fin. Hein, je... Vous savez que Marlène Schiappa, elle avait posé avec son truc de ah, mari, ouais, là. Ouais, putain, mais il avait rien, quoi. Oh là là, les mecs transparents, pouvaient voir à travers, quoi. Oh là là là là là là, elle compensait avec sa culotte de cheval. Hein. Au niveau présence physique, oh. Alors moi, je veux pas être vulgaire, parce qu'on est quand même dans une émission sérieuse, mais je pense quand même que Marlène Schiappa prend son mari en strap-on. Voilà, ma théorie personnelle. Comment dire rubrique suivante. Avant de parler et puis de se séparer sur la question sanitaire, mais il y a eu quand même des choses un peu lourdes cette semaine qui sont sorties. Rubrique numéro 3, présidentielle 2022, hein, rubrique assez convenue, mais quand même. Donc, alors, la scénarisation de l'entrée en campagne d'Éric Zemmour. Alors, cette semaine, tambour battant, puisque débat avec Mélenchon, couverture sur Paris Match, rencontre en tête-à-tête avec Viktor Orban. Donc voilà, hein, les réseaux s'activent, très clairement, c'est une rentrée en fanfare, on est fin septembre et ça attaque assez dur. On voit une Marine Le Pen qui est bon, invisible, mais comme d'habitude, je veux dire, voilà, et là elle commence timidement à se réveiller, c'est-à-dire elle commence à sentir qu'il se passe quelque chose en fait. Qui ça ? Marine Le Pen, oui, tu vois, on en a presque oublié le nom. Mais on voit, non, il faut voter pour moi parce que je suis la seule qui peut gagner, tu vois, bon, c'est un argument, visiblement. Ah, voilà, donc, et voilà. Alors, donc, couverture de Paris Match avec, bon, en situation de mal alpha, pour le coup, c'est marrant, tu vois, c'est-à-dire que t'as les petits gauchistes blancs validé par YouTube, tu vois, qui disent je me coupe les couilles avec ma femelle alpha. Et puis on a un sens inverse, tu vois, avec beaucoup d'efforts quand même. Les sexagénaires séfarades très chétifs qu'on essaye à la va-vite de remaquiller en mal alpha ultra, ultra dominateur qui enchaîne les conquêtes. Alors, en l'occurrence, les jeunes juives, enfin, jeunes juifs, hein, les... oui, par rapport à son âge, quoi, les femmes relativement jeunes d'origine juive comme Sarah Knafo. Hein, avec la séance sur la plage, vous voyez, bon, il n'a pas roulé des muscles quand même, il était sous peignoir, parce que quand même, mais bon. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire de ce démarrage, enfin, oui, plus que démarrage de campagne, enfin, là, le moteur est clairement lancé, sur les trois éléments, là, éventuellement, je ne sais pas si Orban vous aurait quelque chose à dire, mais voilà, le scandale, dit scandale Paris Match, le débat, éventuellement la rencontre avec Orban pour donner un caractère un peu présidentiable à Zemmour. Vous pouvez attaquer n'importe quel parti en particulier. Hein, Alex, Zemmour, débat avec Mélenchon, ça c'est la partie qui a retenu un peu ton attention. Tu disais que tu as regardé le débat. Pas exactement, non. En fait, j'ai pas eu l'occasion encore de regarder Zemmour-Mélenchon. J'ai écouté une émission préparée par l'équipe d'ER avec Alain Soral, Xavier Poussard de Fait et Documents notamment, et ils ont livré beaucoup d'informations que je connaissais pas jusqu'à présent sur Zemmour et les dessous de sa candidature, avec donc des réseaux d'importance hein, qui sont marqués communautairement, toujours de la même manière, avec des gens comme Julien Madard, banquier, etc., chez Rothschild, et puis Sarah Knafo, dont je ne connaissais pas jusqu'à présent l'existence, qui est une énarque, effectivement, et qui est apparemment la compagne, donc d'après Paris Match ensuite, actuellement en tout cas, d'Éric Zemmour. Et donc des réseaux importants avec comme stratégie, d'après l'équipe donc de cette émission, la stratégie serait de faire une telle pression sur Marine Le Pen afin qu'elle prenne conscience qu'elle n'a pas de chance face à Zemmour, aucune chance, et que pour la pousser à finalement à se désister. Ça, c'est encore bon de l'ordre de la spéculation, mais en tout cas, des moyens importants sont mis sur Zemmour pour le mettre en scène, pour le mettre en valeur. Mais il ne s'agit pas d'un candidat hors système, bien sûr. Il s'agit d'un candidat suffisamment fort pour, comment dire, agréger autour de lui pas mal de gens, pas mal de voix. Mais en même temps, c'est quelqu'un de repoussoir vis-à-vis de tout un pan de l'électorat de type gauchiste ou de type même macroniste, on va dire. Donc voilà, Zemmour entre en scène et c'est le champion d'une certaine droite juive. Donc Golnadel est un des maîtres d'œuvre. Ce qui est très frappant depuis, on va dire, septembre, début septembre, c'est à quel point la chaîne qui en fait la principale promotion, contrairement d'ailleurs à une idée reçue, c'est pas CNews, parce qu'il exerçait sur CNews, mais en fait en qualité de chroniqueur rémunéré, c'est BFM TV, donc propriété de Drahi, donc milliardaire israélien. Qui possède comme ça toute une série de titres dans la presse française, enfin de moyens d'influence dans le débat politique. C'est aussi Ah propriétaire bon? de. Oui, c'est. Vous qui Vous parlez de savez? Dreyfus, monsieur, qui? Oui, qui, effectivement. Et donc, bon, il y a Libération, où là, qui est carrément dirigé par un vétéran du renseignement militaire israélien, donc Dov Alfon, pour ne citer que celui-là. Bon, enfin, on voit bien le dispositif, quoi. Et autour de Zemmour, effectivement, comme tu l'as dit, j'ai écouté l'émission en question dont tu parlais, cher Alexis. Et il est cité, oui, en détail, et c'est disponible dans la grande presse aussi, que les principaux responsables du financement de la campagne de Zemmour proviennent de chez Rothschild, en fait. Hein. Donc, on voit que la banque Rothschild fournit des cadres d'origine juive. Hein, pour gérer le financement de la campagne d'Éric Zemmour. On voit bien sûr que sa principale conseillère est Sarah Knafo, donc une juive séfarade, qui alors, depuis cette semaine est présentée volontairement en fait, hein, comme sa maîtresse, avec un faux scandale, parce que là, brièvement sur Paris Match, c'est un faux scandale. Hein. C'est-à-dire que Zemmour s'est sciemment, dans le cadre de l'agitation médiatique, mis en scène sur la plage avec sa conseillère, mais dans un rapport physique qui laisse supposer une proximité qui dépasse le cadre professionnel et politique. Et ensuite, il s'est ému du fait qu'il y ait une couverture, etc. Tout ça est bien évidemment orchestré. Hein. C'est bien évidemment orchestré. Il s'agit de faire d'intéresser les bobonnes, en fait, si vous voulez. Ça, c'est les ragots. Vous allez dire, mais pourquoi faire ça? Il faut intéresser les bobonnes. Voilà. Les bobonnes, il faut leur faire parler du mec d'une façon ou d'une autre, etc. Voilà. Donc voilà, c'était juste pour l'aspect un peu people, parce que c'est un mec au plan people qui a pas beaucoup de relief en fait. C'est pas quelqu'un dont on s'intéresse pas vraiment à lui comme personnage, si vous voulez. Vous voyez, il ne rentre pas dans un archétype qui est de nature à exciter l'imaginaire des ménagères de moins de 50 ans. Ça fonctionne pas. Donc ils essayent comme ça de bâtir tardivement une espèce comme ça de mystère. Bon, à mon avis, ça va faire flop. Parce que bon, il a quand même pas le physique d'Humphrey Bogart ou de voilà. Donc au bout d'un moment, ça, tu le payes aussi ça. Toujours est-il que BFM TV, contrôlé par Drahi, fait un sujet sur lui tous les jours et même plusieurs fois par jour parce qu'il y a un feu roulant. Donc il y a une espèce d'étouffement de Marine Le Pen qui est orchestré en l'invisibilisant et en mettant en avant Zemmour. Et au bout d'un moment, bah, que vous le vouliez ou pas. C'est comme ça qu'on fait monter un mec dans les sondages. C'est comme ça. C'est-à-dire que s'il est tout le temps sur les écrans, bah, au bout d'un moment, ça devient un sujet de discussion. C'est-à-dire que les gens vont en parler dans les repas, dans les trucs, même pour en dire du mal, vous voyez. Alors, BFM TV pousse à fond. Pousse à fond. Paris Match pousse à fond. C'est clair. Et pour avoir ce genre d'appui, bon, ça veut dire qu'il y a eu, il y a eu quand même des décisions qui ont été prises en lieu. Et je ne parle évidemment pas de CNews, de Bolloré, de son nom complet Goldschmidt. Donc voilà. Qui ? Voilà, qui ? Alors ensuite vient le fameux débat Mélenchon, en fait, qui rentre dans ce truc-là. C'est-à-dire qu'en fait, il y a... Moi, j'ai pas visionné le débat, si vous voulez, parce que déjà, moi, la culture du débat, moi, j'y suis opposé. C'est-à-dire que voilà, on a assez fait de débat, d'accord ? Je pense que maintenant, il faut passer à autre chose. J'ai vu, par contre, des recensions de débat, des éléments, des clips ou des commentaires sur le débat pour me faire une idée générale, non pas de ce qui a été dit, mais de l'impression que ça a laissé. Bon, vous ne serez pas surpris de découvrir, grosso modo, que les fans de Mélenchon ou les gens plutôt à gauche ont aimé Mélenchon, que les gens qui aiment Zemmour ou plutôt proches des idées de Zemmour ou ceux qui l'avancent, ont plutôt été séduits par le truc. Ce que j'en ai retenu visiblement, c'est que Zemmour a été très approximatif, c'est-à-dire finalement pas très studieux, c'est-à-dire très approximatif, il est rentré là-dedans un peu les mains dans les poches. Mélenchon a fait du Mélenchon, c'est-à-dire qu'il a brassé de l'air. Mais au fond, c'était de la posture. Et c'était de la posture avec, en fait, un pacte de non-agression, négocié à l'avance, où, Mélenchon ne devait pas taper trop fort et Zemmour ne devait pas taper trop fort. Voilà, c'était un truc convenu pour que les deux fassent plaisir à leur base. Et voilà. Donc, en gros, on était là-dessus. Les deux ont besoin d'un petit coup de pouce médiatique Exactement. Pour exister un peu plus, quoi. Voilà. Voilà. Et le système est prêt à le leur donner. Voilà. C'est ça qui ressort, quoi. C'est ça qui ressortait, ouais. Donc en fait, il n'y a rien d'extraordinaire, en fait, dans le machin. Il y a un point de vue qui est ressorti de gens qui ont regardé ça, ils disent « Zemmour n'arrive pas à être autre chose qu'un chroniqueur. » C'est-à-dire qu'en fait, on l'imagine pas en homme politique prenant des décisions, etc. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, le mec, il ne peut pas changer de casaque comme ça en deux semaines et être autre chose qu'un mec qui donne son avis. Voyez, mais il incarne pas une idée, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, pas à ce moment-là. N'empêche que les sondages, alors là aussi c'est pareil, hein, les commandes évidemment sont bien manipulées, et on le met au-dessus de 10%. On le met au-dessus de 10% pour en fait semer le trouble, hein. Notamment chez Marine Le Pen, hein, très clairement, hein, qui elle est passée de 28, alors ça c'est une blague, je rappelle que février 2017, Marine Le Pen est donnée à 29%. On a vu la suite, hein. Donc sachez que Marine Le Pen n'est pas... Enfin, c'est pas une chute pour Marine Le Pen, elle a jamais été à 28. Elle a jamais été à 28. C'est une candidate qui aujourd'hui, si elle a de la chance, se situe à 21. Hein. Si elle a de la chance. Hein. Voilà. Donc je pense qu'il y a, là, il y a une espèce de... En fait, ce qu'on veut dire, est-ce que l'opinion est prête à accepter, c'est qu'il... Parce que c'est vrai que je pense que l'opinion n'a pas envie d'être étouffée dans un match Macron-Le Pen... où il n'y a pas de suspense, ça lasse les gens, et le système le comprend, et donc, jouer l'inconnu, enfin la pseudo-inconnu, en mettant un candidat mystère de dernière minute, soi-disant hors système, un peu à la populiste, etc., mais en fait qui est validé et survalidé, voilà, c'est de nature à traîner les gogos, vers l'urne, quoi, hein, en grosso modo. Mais c'est nouveau, c'est excitant, ça m'intéresse un peu plus. Voilà, peut-être que je vais participer, m'intéresser. Ouais. Même aussi en excitant les gauchistes contre, tu vois. Tu vois, essayer un peu... polarise pour et contre lui, c'est ça. Voilà, essayer un peu de remplumer ce système qui est complètement asile, parce que par ailleurs, les élections ne servent à rien. C'est-à-dire que depuis la proclamation du système sanitaire, de toute façon la société a changé de paradigme, donc on est complètement administré par un état omnipotent, lui-même intégré dans un grand dispositif global, et de toute façon on a bien compris que la présidence de la République n'a plus aucun pouvoir, donc c'est une non-élection en quelque sorte, enfin, je veux dire, ça, la présidence de la République aujourd'hui finalement a autant de poids que sous la Troisième République, je veux dire, c'est en pratique c'est ça, quoi, je veux dire, c'est... Mais il ne faut pas que ça se voit trop, donc on essaie comme ça de susciter de l'intérêt avec des faux combats. Et je crois que c'est Henri de Lesquin qui a pointé du doigt un truc qui est totalement juste, c'est de dire, mais en fait, ils n'ont pas parlé pas du seul truc, parce qu'ils ont parlé d'islam et d'immigration, c'est quand même des sujets, encore essentiellement d'islam, c'est-à-dire que Zemmour, lui, l'invasion nègre, ça ne dérange pas visiblement. En tout cas, il n'en a pas parlé, quoi. Bah, Mohamed, s'il s'appelle Jean-Pierre, c'est bon. Voilà, c'est de l'assimilationnisme. Bon, ouais. Mais surtout, ils n'ont pas parlé de cette tyrannie sanitaire, qui est une révolution sociale. Quoi. Il n'y a pas eu un mot. Il n'y a pas eu un mot. Même pas 2 minutes, quoi. Apparemment, Éric Zemmour est pour hein, le pass sanitaire. Ouais. Je n'ai pas entendu, mais dans cette émission-là, c'est parti, mon kiki. Justement, il parle de ça. Donc, je suis sourcé. Hein. Voilà, donc Éric Zemmour soutient tout à fait le pass sanitaire. Pas de problème. Bon. Ouais, enfin, il est pour le pass sanitaire, mais il est contre la vaccination obligatoire. Mais ce qui revient au même, si t'es pour le pass sanitaire, par définition, si tu veux avoir un boulot ou bien accéder aux espaces publics, il faut se faire piquer, quoi, tu vois. Donc, voilà, bon, t'as compris. Ouais, il ne peut pas être totalement aligné sur la version officielle du gouvernement. Il faut bien qu'il trouve un truc pour être un peu dissident, voilà. Quand même. Et puis c'est un boomer aussi. Oui, aussi, oui, tout à fait. Non, mais voilà, donc c'est pour dire que sur les sujets vraiment durs, il n'y a rien, absolument rien. Et tout ça est très convenu. En même temps, et là, c'est par rapport à Marine Le Pen, moi, j'ai envie de dire, c'est bien fait pour sa gueule. Parce que Marine Le Pen est là dans sa réaction face à l'agitation Zemmour, parce qu'elle aura beau gueuler en disant « Oui, non, mais c'est pas... c'est monté... » On s'en fout. Il a les réseaux, il a l'exposition médiatique, il va avoir les sondages positifs, il va aussi avoir des gens de droite, sincèrement, qui vont le soutenir. Que ça lui plaise ou ça lui plaise pas, de toute façon, ça va devenir un facteur politique dans la présidentielle, en tout cas au premier tour. Et son attitude, ça consiste à dire vraiment, non mais en fait, vous pouvez pas voter pour autre chose parce que je suis là. Tu sais, je veux dire, ce réflexe de rentière, quoi, établi, et elle révèle sa nature, quoi. Elle révèle vraiment sa nature. C'est-à-dire qu'elle a été mise là, elle avait sa rente, et il y a cette espèce de... Ils n'y croient pas encore, en fait, ils n'y croient pas. Marine Le Pen est encore dans le déni. Hein. Je pense que quand on lui parle en privé, elle dit non, mais c'est, je vous assure, ça va aller nulle part, il ne va rien se passer, etc. Elle est dans le déni total. C'est-à-dire que pour elle, c'est la rentière établie, elle a ses voix captives, il ne peut rien se passer. Ça fait 50 ans que le Front National, maintenant Rassemblement National, est là. Ça roule comme sur des roulettes, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas qu'elle va gagner. Mais elle va faire son paquet de voix, elle va prendre son pognon et elle ira boire son petit blanc le soir de la défaite. Pour elle, c'est clair et précis. C'est vraiment la diva qui n'a pas du tout le sentiment de faire le match de trop. Et donc, et c'est drôle parce que en fait, elle envoie un peu bouler tout le monde. Non, mais faut voter pour moi parce que je suis là, quoi. C'est moi, quoi. Tu vois? Ça me rappelle, oui, puis... hein. C'est un peu comme, tu sais, je te donne la parole, Alexis, mais c'est un peu comme le soir du premier tour lors des régionales, quand ils se sont pris une douche, tous les responsables du RN sont mis à engueuler leur électorat, vous faites quoi les cons? Tu vois? Je veux dire, c'est ça quoi, c'est vous faites quoi? Mais vous êtes où là exactement? Et putain, et oh, c'est des fonctionnaires, ils ont un truc, mais vous êtes où là? Et Marine Le Pen, c'est ça quoi. Et de ce côté-là, ça, c'est positif avec la candidature Zemmour. C'est que, bon, l'élection n'a aucun enjeu, je l'ai dit, hein, mais au moins, pour la forme, ça châtie tous ces rentiers de situation à tous les niveaux de cette société. C'est vrai pour des fonctionnaires, pour des héritiers, souhaits, qui, en fait, vivent très très bien depuis très très longtemps et s'accommodent parfaitement du naufrage parce que eux, de leur côté, dans leur petite vie, tout va bien, vous voyez. Donc t'as tous les autres qui morflent, mais eux, ils s'en foutent, parce qu'ils sont bien installés. Et Marine Le Pen incarne formidablement ce truc-là. Et elle mérite d'être châtiée. Très, très, très, très, très, très, très, très sévèrement. Et là, avec l'ouverture de la compétition, sous l'effet hein, du tandem Zemmour-Rothschild, tout ce que vous voulez, eh ben, je suis pour le châtiment symbolique des rentières, et des rentiers aussi. Alexis, je t'ai bien. Vas-y Alexis, vas-y. Oui, il y a aussi le fait que même si elle ne débat pas directement avec Zemmour, on va lui dire oui, mais alors Zemmour est-il plus à droite que vous, etc. Il critique tout de même l'immigration, puis à ce moment-là, elle va devoir un petit peu de nouveau parler de ces sujets en disant oui, mais quand même, on a la paternité, puisque dans la famille, on a dit les premiers que. Et puis après, on va lui reprocher, mais madame, mais vous avez quand même écarté votre part du parti, etc. Et on va lui rappeler toutes ces contradictions, toutes ces trahisons. Bien que évidemment Jean-Marie Le Pen a ses défauts, bien sûr, mais en réalité, elle est prise à son propre piège, parce que sous l'influence de gens comme Collard, comme Louis Alliot, comme Elle a mis énormément d'eau dans son vin sur les questions identitaires. Oh, elle a quand même mis beaucoup de vin dans son eau. Hein. Oui, également, et son rhum. Et, oui. Mais toujours est-il qu'elle est prise au piège, parce que Zemmour, c'est que de l'esbrouf, évidemment. S'il accédait à la fonction suprême, déjà, il faudrait qu'il ait un parti derrière lui, puisqu'il ne peut pas tout seul comme ça. Alors Macron, on a bien bricolé un parti en très peu de temps, en quelques semaines, en marche. Mais après, aurait-il des députés bon, c'est médiatique, c'est vraiment le cirque médiatique par excellence. Oui, mais Marine Le Pen, bon, elle n'a pas, enfin, ni l'envie, elle se complaisait dans un rôle d'opposition, une place importante de l'opposition qui lui accordait des rentes et tout ça, mais sans vouloir véritablement accéder au pouvoir, donc il faudra passer à autre chose, c'est une évidence. Mais sans pour autant, enfin, nous, on ne croit pas à Zemmour, hein, c'est évident. C'est pour ça que je récuse une partie de l'argumentation exposée dans l'émission que tu as regardée, Alexis, à savoir que Marine Le Pen devrait se retirer s'il avait trop de pression. Marine Le Pen s'en fout. Hein. Marine Le Pen, ouais, je suis d'accord. Elle va se présenter. Bon, si elle peut passer au second tour, là, c'est champagne. Si jamais elle se présente pas, elle n'arrive pas à accéder au second tour, ça sera juste Ricard. Mais elle sera contente avec son, je sais pas, 15%. Là, elle est très heureuse, 15%. Puis voilà, puis dans 5 ans, elle sera là. Elle fera, ah, au fait, j'existe, hein, je suis toujours là. Donc, bah, oubliez pas de voter pour moi. Et puis, Marine Le Pen, on lui file 5000 euros par mois, elle quitte la politique. Hein. 5000 euros, ça fait combien en caisse de champagne? Non, 5000 euros, c'est trop peu. Non, c'est quelqu'un qui voit un peu plus grand quand même. Mais ça se mesure, de toute façon, ça se mesure pas en euros, ça se mesure en litres. En litres, voilà, exactement. Non, mais c'est dramatique, mais c'est vrai, quoi. Non, mais ça permet d'exposer ça quand même, parce qu'il y a des gens qui votent sincèrement pour Marine Le Pen en croyant vraiment que c'est un moyen de s'opposer. Tout le monde sait que c'est faux. Et en plus, il y a l'arrogance de sa cour d'homosexuels là qui... Enfin, je vous dis, le Rassemblement National est un microcosme de la société française. C'est-à-dire, c'est des rentiers incompétents qui bloquent en fait la circulation naturelle des talents. Donc les gens brillants sont constamment comprimés vers le bas par un réseau de connivence. Les tocards et les perdants qui ont hérité de fondateurs établissent leur toile d'araignée sur laquelle en fait ils sucent le sang de leurs victimes, d'accord ? Tout ça tire tout vers le bas. C'est vrai des grandes écoles, c'est vrai de tout, hein, je veux dire pratiquement de toutes les grandes écoles et de la société en général. Hein. Et vous avez cette espèce de croûte enkystée au sommet de la société française qui doit représenter grosso modo 25% de la population. Les mecs ont tout mis en coupe réglée. Et l'efficacité n'est plus un critère. Et quand vous les bousculez, ils vous disent « Mais attendez, c'est moi !» Il n'y a pas d'autre argument. C'est-à-dire qu'ils sont là parce qu'ils sont là, et vous devez fermer vos gueules. Voyez. Et c'est vrai sur tous les sujets. C'est vrai sur tous les sujets. D'ailleurs, quand on voit l'évolution de la société à la faveur de la covidisation intégrale, c'est ni plus ni moins que la radicalisation de ce système. Hein. C'est-à-dire que vous avez la caste en place, l'étatisation généralisée, l'autoritarisme réglementaire, et tu vas demander ta petite gamelle auprès de ton maître et tu fermes bien ta gueule, tu vois, parce que c'est lui qui contrôle le robinet. Enfin, ni plus, c'est pas le talent, c'est pas du tout. Voilà. Et c'est ça le RN en fait. Le RN, c'est pas l'intelligence, l'efficacité, la jeunesse, l'audace, c'est pas ça qui est récompensé. C'est un petit réseau de fiottes cooptés par la diva Le Pen, qui s'appelle Le Pen, qui pose son gros cul de reine-mère, là, et qui se donne à voir tous les 5 ans, et qui entend bien que les royalties continuent de rentrer, parce qu'il y a une marque Le Pen. Point barre. Point barre. Il n'y a pas d'enjeu politique là-dedans. Donc c'est vrai que c'est bien que ça soit bousculé. Alors, c'est par des juifs. Fatalement que ça allait être par des juifs. La France est contrôlée par les juifs. Ça allait pas être par les témoins de Jéhovah, certainement. Donc voilà. Mais je m'en félicite quand même, je veux dire. Je m'en félicite. Et c'est aussi ce qui explique cette incapacité qu'ont des jeunes qui voudraient réussir à se bousculer chez Zemmour. Voyez ? C'est-à-dire qu'ils vont là où ils peuvent éventuellement réaliser quelque chose, où ils peuvent prendre une place, voyez ? C'est... Il n'y a rien de surprenant, quoi. Hein. Et je pense que la mère Le Pen va se faire intégralement putcher, parce que quand vous regardez au Rassemblement National, il n'y a rien. Il n'y a pas de gens intelligents, il n'y a pas de talent, il n'y a pas de relais, il n'y a rien, il faut comprendre ça. Il n'y a que dalle. Tout le monde le sait d'ailleurs, je veux dire. C'est essayer forcément... de former un gouvernement avec des types du Front National. Bah, il n'y a personne. Le bureau politique. Il n'y a même pas Marine Le Pen. En fait, tout le monde le sait. Mais en fait, simplement par les statuts et par la marque, et c'est vrai de ce parti comme des autres, hein, je veux dire, Macron, c'est pareil, je veux dire, voilà. Vous avez un système qui est là, qui tient, mais le peuple n'est pas représenté. Je voyais la dernière interview de Guy Lui, je ne dis pas qu'il a tout le temps raison, mais il a dit un truc très vrai. Il a dit, de toute façon, tous les partis politiques, maintenant, parce que sociologiquement, leurs représentants appartiennent à ces couches sociales-là, ne parlent plus qu'au public ultra-urbain, donc les bobos, ou les retraités. Et en fait, toutes les thématiques autorisées en France, et c'est vrai aussi au plan médiatique, c'est-à-dire les thématiques autorisées dans les partis politiques ou dans les médias, sont des thématiques ou des présupposés validés par les retraités ou les bobos. C'est-à-dire que sorti de ces couches-là, tu n'existes pas. Tes idées n'existent pas, tes problèmes n'existent pas, tes inquiétudes n'existent pas, tes aspirations n'existent pas. Tu n'existes pas, tu es invisible. Tu vois ? Donc, c'est tout ce problème de la représentativité, en fait, qui est posé, quoi. Et il y a énormément de gens, si vous voulez, qui ne sont pas représentés, qui cherchent à exister. Beaucoup aussi, simplement, ont carrément laissé tomber. C'est-à-dire que les élections, ils s'en foutent. Moi, c'est mon cas. Par exemple, les élections, j'en ai rien à foutre, quoi. Ils peuvent voter pour qui ils veulent. Moi, je suis pour renverser le système. Je ne suis pas pour choisir un pion à la mettre à la place d'un autre, quoi. Mais ceux qui comptent l'intérêt que je trouve aux élections, c'est est-ce qu'il n'y aura pas un truc qui pourra... l'avenir, le changement ne viendra pas de la personne qui sera élue, mais genre de la personne qui pourra peut-être un peu foutre la merde ou redistribuer des cartes, même sans le vouloir, quoi. Je sais pas, un oui. Mélenchon qui accéderait au second tour m'intéresse bien plus que, je sais pas, Zemmour, par exemple, ou Xavier Bertrand, je sais pas, quoi. Ou Sandrine Rousseau, tiens. Sandrine Rousseau m'intéresse beaucoup en ce moment. Oui, un chien dans un jus de quille, quoi. Ah, je suis en train de prendre ma carte Europe Écologie Les Verts, là. Bah, déjà qu'on a les bruns. Alors, oui. Voilà. Hein, voilà. Alors, avant de nous séparer sur le sanitaire, je voulais quand même faire un crochet. C'est important. Un gros article du Télégraphe, journal britannique, hein, qui fait le point sur la situation de l'origine du Covid. Ici, on a avancé des thèses. Moi, j'ai toujours dit que... En tout cas, assez tôt, j'ai dit que je pensais que c'était non seulement le fruit d'une manipulation en laboratoire, mais même que c'était probablement des virus issus de l'armement biologique. Mais j'avais dit aussi que je pouvais pas le prouver, que j'avais pas la preuve, mais que mon instinct me disait que. Alors le journal Le Télégraphe a lui fourni des éléments cette semaine, d'ailleurs qui sont discutés très largement maintenant. Attention, hein, c'est pas confidentiel. Et qui, en tout cas, étaye bien la piste de l'armement biologique. Alors, je vous lis ça parce que je ne vois pas comment on pourrait faire l'impasse là-dessus. Alors, des scientifiques de Wuhan et des États-Unis prévoyaient de disséminer des particules de coronavirus aéroportées améliorées dans les populations de chauves-souris chinoises afin de les inoculer contre des maladies également susceptibles de contaminer les humains, montrent des propositions de subventions divulguées et qui datent de 2018. Donc en fait, il y a eu un groupe qui a demandé des subventions pour mettre au point ces coronavirus modifiés en laboratoire. Alors, de nouveaux documents montrent que 18 mois seulement avant l'apparition des premiers cas de Covid-19, les chercheurs avaient soumis des plans pour libérer des nanoparticules pénétrant la peau et des aérosols contenant de nouvelles protéines spike dites chimériques, donc hybridées en laboratoire, hein, de coronavirus de chauve-souris, dans les chauves-souris, donc de les modifier et ensuite de les réinsérer dans les populations de chauves-souris, des grottes de Yunnan en Chine. Voilà, d'accord ? Donc on prend des coronavirus naturels de chauves-souris, on les amène en laboratoire, on les modifie, et ensuite on les réinsère par moyen d'aérosol dans les populations de chauves-souris. Vous comprenez ? Alors, ils prévoient également, donc dans leur demande de subvention, de créer des virus chimériques génétiquement améliorés pour infecter plus facilement les humains. Et ont demandé 14 millions de dollars à la Defense Advanced Research Program Agency, le DARPA. Donc ça, c'est les États-Unis, hein, c'est le Pentagone, pour financer leurs travaux. Les documents dont l'authenticité a été confirmée par un ancien membre de l'administration Trump montrent qu'ils espéraient introduire des sites de clivage spécifiques à l'homme dans les coronavirus de chauves-souris, ce qui permettrait au virus de pénétrer plus facilement dans les cellules humaines, donc de faciliter en fait la transmission, le passage en fait de l'animal à l'homme. En fait. Donc on infecte les chauves-souris avec des virus modifiés dont on s'est assuré par avance qu'ils ont une facilité à réinfecter l'homme. D'accord ? Lorsque le Covid-19 a été séquencé pour la première fois, les scientifiques se sont demandé comment le virus avait pu développer une telle adaptation spécifique à l'homme au niveau du site de clivage de la protéine Spike, qui est la raison pour laquelle il est si infectieux. Les documents ont été publiés par Drastic, l'équipe d'investigation en ligne mise par des scientifiques du monde entier pour étudier les origines du Covid-19. Dans une déclaration, Drastic, donc ce groupe, a déclaré « Étant donné que nous trouvons dans cette proposition, donc cette demande de subvention, une discussion sur l'introduction prévue de sites de clivage spécifiques à l'homme, un examen par la communauté scientifique au sens large de la plausibilité de l'insertion artificielle est justifié. » Donc en gros, compte tenu de ce qu'on a, on peut se poser la question du caractère intentionnel de la dissémination du Covid. C'est ça qu'ils disent. La proposition, donc la demande de subvention, prévoyait également de mélanger des souches de coronavirus naturels à haut risque avec des variétés plus infectieuses mais moins dangereuses. Donc essayer d'hybrider donc des souches plus dangereuses et des souches plus virulentes qui se répandent plus facilement. L'offre a été soumise par le zoologiste britannique Peter Daszak de l'organisation américaine EcoHealth Alliance, qui a travaillé en étroite collaboration avec le Wuhan Institute of Virology. Donc lui, il est basé à New York. Et d'ailleurs, il est financé par Bill Gates, dans le cadre de recherche sur les coronavirus de chauves-souris. Parmi les membres de l'équipe figuraient le docteur Shi Zhengli, la chercheuse du WIV, surnommée la femme chauve-souris, c'est malheureux pour elle, ainsi que des chercheurs américains de l'Université de Caroline du Nord et du National Wildlife Health Center de l'United States Geological Survey. Le DARPA a refusé de financer les travaux, déclarant « Il est clair que le projet proposé par Peter Daszak aurait pu mettre en danger des communautés locales, donc les habitants, hein, et a averti que l'équipe n'avait pas correctement pris en compte les dangers de l'amélioration du virus, encore appelé gain de recherche fonctionnelle, ou gain de fonctionnalité, ou de la diffusion d'un vaccin par voie aérienne. » Les documents relatifs à la subvention montrent que l'équipe avait également certaines inquiétudes concernant le programme de vaccination et a déclaré qu'elle mènerait des actions de sensibilisation afin que le public comprenne ce que nous faisons, blablabla. Alors, il y a eu des parlementaires britanniques qui ont été informés de ça. Ils ont réagi. Donc, Angus Dalgleish, pardonnez-moi, professeur d'oncologie à l'Université Saint-Georges de Londres, qui s'est battu pour faire publier des travaux montrant que l'Institut de virologie de Wuhan effectuait des travaux de gain de fonction depuis des années avant la pandémie, a déclaré que la recherche qui voulait être subventionnée aurait pu se poursuivre même sans ce financement. Il s'agit clairement d'un gain de fonction, de l'ingénierie du site de clivage et du polissage des nouveaux virus pour améliorer l'infectiosité des cellules humaines dans plus d'une lignée cellulaire, a-t-il déclaré. Monsieur Daszak est également à l'origine d'une lettre publiée dans The Lancet l'année dernière qui a mis fin au débat scientifique sur les origines du Covid-19. Alors oui, sachez que Daszak était responsable jusqu'en juin pour The Lancet, qui a fait parler de lui, hein, de la commission chargée de définir l'origine du Covid-19 et qu'il a maintenu jusqu'en juin dernier l'origine animale naturelle du Covid-19, ce qui était encore relayé par Le Monde pas plus tard qu'au mois de juillet. D'accord, c'est encore il y a deux mois. Et il était aussi responsable pour l'OMS de la même fonction dans la commission et qui s'est rendu en Chine à Wuhan pour étudier, pour interroger les gens à Wuhan pour déterminer l'origine du Covid. D'accord. Donc le type qui a demandé des subventions pour créer un coronavirus modifié en laboratoire, plus infectieux, plus dangereux, à s'occuper de faire la vérité, la lumière sur l'origine du truc, et en fait, il faisait le boulot de couverture. Alors, il s'est fait dégager de l'OMS, et il s'est fait dégager du Lancet il y a deux mois. C'est très récent. Hein. Alors, juste pour rajouter à ça, ils ont découvert aussi, dans les demandes de subvention, une demande relative au virus MERS. C'est un autre coronavirus, mais dont le taux de létalité est de 30%. Donc ces gens-là ne se sont pas limités au coronavirus traditionnel qu'on connaissait. Ils ont aussi essayé de manipuler en laboratoire le MERS, donc le MERS, qui a un taux de létalité bien supérieur. Et donc face à ça, les gens se disent, attention, si jamais ils ont réussi à créer en laboratoire des virus MERS modifiés, on peut avoir potentiellement un méga-giga-Covid qui en circulation, enfin, qui pourrait tôt ou tard être disséminé, quoi. Voilà, les révélations de cette semaine qui sont vraiment proprement effrayantes. Hein. Quelqu'un veut rajouter quelque chose là-dessus, dire quelque chose là-dessus? Si ce n'est que les mensonges de Peter Daszak, qui donc était chargé à la fois de l'enquête sur le site de Wuhan, c'est ça, pour essayer de trouver l'origine, alors qu'il savait très bien lui-même qu'il était à l'origine de virus modifiés, diffusés, encore peut-on dire virus, je ne sais pas si on peut, plutôt armes bactériologiques. Enfin, biologiques. Oui, biologique, oui. En tout cas, c'est aussi quelqu'un qui donc, s'est efforcé de mentir par conséquent pour dire qu'il n'était pas possible de créer des virus, et certainement pas, ou des armes biologiques, et de les diffuser, que le Covid-19 ne pouvait être que naturel. Il a, donc, comme tu l'as rappelé, il l'a écrit dans le Lancet. Donc il a beaucoup menti, de même que le docteur Fauci a beaucoup menti, puisque on sait que l'attention s'est un petit peu détournée ces dernières semaines de Fauci, mais il y avait eu la publication d'un certain nombre de ses emails dans lesquels on voyait qu'il avait on avait des preuves comme quoi il avait financé des gains de fonction, comme on dit, c'est un mot traduit directement de l'anglais, mais qui suppose qu'on donne à un virus naturel une force supplémentaire. Et on sait aussi que les chauves-souris sont le réservoir de nombreuses bactéries, virus et tout ça, et que, donc ça c'est quelque chose de connu. On avait évoqué la thèse de départ, c'était le pangolin, que des chauves-souris avaient mordu des pangolins, et ce qui est des pangolins qui sont mangés par les Chinois, donc c'était une des... Bon. Mais quand on sait que le pangolin était déjà, alors c'est un petit peu complotiste comme réflexion, mais était déjà présent, dessiné sur la revue de la couverture de The Economist, la revue bien connue, en 2019 déjà, donc on voyait que, moi c'est un animal que je connaissais pas, hein, le pangolin, mais et effectivement il a été la star du début de la pandémie. Là on a d'autres éléments, alors certes les chauves-souris sont impliquées, mais on a voulu les infecter. Patrick Jolan aussi, j'en ai parlé plusieurs fois, mais qui a écrit un monde de menteurs, mais sans vouloir lire son livre, il y a plusieurs vidéos de lui sur YouTube ou sur Odyssée. Donc il a fait des recherches beaucoup en ce sens, il parle de la docteure chinoise là, qui est surnommée Madame Chauve-souris, il parle de tout ça, il évoque des morsures aussi de chauves-souris sur des gens travaillant au laboratoire, que ça aurait eu des conséquences. Donc ça c'est un pôle important. Alors après il y a aussi évidemment Montagnier qui en avait parlé de ce virus artificiel, mais lui il pensait que c'était accidentellement relâché. Bon, il y a aussi le professeur Fontillant. Là ce qu'on découvre c'est qu'en fait, à la faveur de ces demandes de subvention, c'est qu'en fait il s'agissait d'infecter. Donc en fait on prend des coronavirus avec certaines capacités, soit qui sont très virulents, soit qui sont très dangereux, on les amène au laboratoire, on les modifie, on les combine, on voit ce qu'on peut en faire, et ensuite on réinfecte volontairement, avec ses gains de fonction, avec ses capacités supplémentaires, les populations de chauves-souris, dans l'espoir, en fait, qu'elles contaminent ensuite les hommes, et que ça ait l'air naturel, en fait. C'est ça le truc. C'est qu'on, oui. On se dit, voilà, quand il y a une enquête, on dit, ah oui, bah oui, ça vient des chauves-souris, là-bas, etc. Mais en fait, quand on creusait, il s'agissait de dissimuler les traces. Mais en fait, quand on a fouiné, on a tout de suite vu qu'il y avait des trucs bizarres dans la constitution du coronavirus et qu'il y avait eu un travail en laboratoire, quoi. Voilà. Mais ce que prouvent en fait ces demandes de subvention, c'est qu'il s'agissait bien d'abord de financer des modifications laboratoires de coronavirus pour les rendre beaucoup plus virulentes car transmissibles à l'homme, et ensuite de les réintroduire dans la nature pour infecter l'humanité, et que tout ça soit dissimulé. Donc voilà, c'était censé être le crime parfait. Alors je rajoute quand même des déclarations qui sont présentes dans l'article du Télégraphe, je ne les avais pas sous les yeux, là je vous les donne. Donc le comte Ridley, qui a coécrit un livre sur l'origine du Covid-19, dont la sortie est prévue en novembre, et qui a fréquemment demandé une enquête plus approfondie sur les causes de la pandémie à la Chambre des Lords, a déclaré « Pendant plus d'un an, j'ai essayé à plusieurs reprises de poser des questions à Peter Daszak, sans obtenir de réponse. Il s'avère aujourd'hui qu'il était l'auteur de cette information vitale sur le travail du virus A1, donc en fait des demandes de subvention pour modification au laboratoire du fameux coronavirus, mais qu'il a refusé de la partager avec le monde entier. Je suis furieux. Le monde devrait l'être aussi. Peter Daszak et l'EcoHealth Alliance ont proposé d'injecter des coronavirus chimériques mortels de chauves-souris collectés par l'Institut de virologie de Wuhan à des chauves-souris humanisées et chauves-sourisées. Voilà, ils veulent dire, en fait, quand ils ont modifié... Bon, je ne vais pas rentrer sur les détails techniques. Simplement, voilà, les rendre plus virulents, plus infectieux. Un chercheur sur le Covid-19 de l'Organisation mondiale de la santé, qui a souhaité rester anonyme, a déclaré qu'il était alarmant que la demande de subvention comprenne des plans pour améliorer la maladie plus mortelle du syndrome respiratoire du Moyen-Orient, donc le fameux MERS. Ce qui est effrayant, c'est qu'il fabriquait des virus chimériques infectieux du MERS, a déclaré cette source, donc de l'OMS. Ces virus ont un taux de létalité supérieur à 30%, ce qui est au moins d'un ordre de grandeur plus mortel que le SARS-CoV-2. Si l'un de leurs récepteurs de remplacement permettait au MERS de se propager de manière similaire au Covid, tout en conservant sa létalité, cette pandémie serait presque apocalyptique. Donc, les intéressés ont refusé de répondre aux questions. Hein. EcoHealth Alliance, qui est une ONG financée officiellement par la Fondation Gates, tout comme Daszak, qui, je le dis et je le répète, tant auprès du Lancet, qui a fait déjà parler lui avant, hein, tant auprès du Lancet que de l'OMS, était chargé jusqu'en juin dernier de dire la vérité sur l'origine du Covid. Évidemment, il n'a pas été nommé par hasard. Alors, ils s'en sont débarrassés vite fait, mais il n'a pas été nommé par hasard sur cette commission d'enquête. Hein. Vous avez bien compris. Donc, voilà, on a finalement les liens. Et d'ailleurs, je le dis aussi en passage, je crois qu'il s'appelle... je crois que c'est Rabik, je crois qu'il s'appelle, mais en tout cas, ce Daszak est lié à un scientifique américain qui est membre... Ralph Baric, peut-être. Ouais, Baric, autant pour moi, j'ai interverti, autant pour moi. Donc, Ralph Baric, merci Alex, qui est un scientifique américain, universitaire, intégré dans l'unité de guerre biologique et bactériologique de l'armée américaine de Fort Detrick, et que cet homme est tout particulièrement est spécialisé dans les coronavirus chez le singe. Et il a notamment travaillé sur le MERS. Donc leurs liens sont avérés parce que Daszak a dit face caméra, avant l'épidémie de Covid, qu'ils avaient travaillé avec Baric sur Awan. Donc il a admis être en lien avec ce mec-là. Donc là, on voit à peu près ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont liés à l'armée américaine et au Pentagone, qui sont spécialisés dans la guerre biologique, qui, en concertation avec d'autres scientifiques, là en l'occurrence un Britannique Daszak, pour mettre au point le Covid-19 et d'autres virus beaucoup plus létaux, qu'ils avaient l'intention de lâcher dans la nature et qui allaient bien évidemment justifier toutes les mesures qu'ils allaient prendre ensuite. Et c'est bien évidemment pas hasard si on a eu l'Event 201, comment dirais-je, à l'automne-hiver 2019, un tout petit peu avant le début officiel de la pandémie, où il y a eu une répétition générale de la pandémie globale. Hein. Donc voilà, donc on a maintenant les réponses qu'on n'avait pas jusqu'à présent sur le pourquoi, le comment les événements sont enchaînés, qui sont les donneurs d'ordre. Et évidemment, ça n'était pas du tout une pandémie accidentelle. Et bon, je crois qu'on avait globalement raison. Alexis, si tu veux dire quelque chose peut-être. Oui, d'abord sur le MERS que tu as évoqué, donc il y a un syndrome qui est, respiratoire qui est apparu au Moyen-Orient il y a une dizaine d'années. Alors oui, c'est quelque chose qui, d'après Wikipédia, donc lui-même est un article sourcé, donc une personne sur trois mourait qui était atteinte de ce syndrome. Donc ça fait partie de la famille des coronavirus et pendant longtemps on l'a assimilé au SARS-CoV-1 qui était apparu en Chine vers 2001 ou 2003. Enfin, en tout cas début des années 2000, mais c'est pas la même chose, mais ça fait partie de la même famille. Sur l'infection des animaux, on sait aussi que Patrick Jolan en parle également, c'est des tests ont été faits sur des oiseaux qui avaient été volontairement infectés, on le sait, aux Pays-Bas, et ils avaient relâché ces oiseaux infectés sur un champ de vaches, où donc c'était un champ qui était clôturé aussi, j'imagine, par le ciel, enfin, qui était totalement. Et donc toutes les vaches sont mortes en très peu de temps. C'est-à-dire que ne serait-ce que la proximité avec les oiseaux a fait que finalement. Donc ça date de 2004, hein, je crois, donc pour montrer que c'est pas tout à fait d'hier matin qu'on fabrique ce genre d'armes biologiques. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y a aussi, évidemment, alors je parle pas de la personnalité de Fourtillan, qui est quelqu'un d'un peu particulier, c'est évident, mais bon. Sur son travail de recherche, il avait quand même découvert des brevets. Donc les brevets ne portent pas sur des virus naturels, on ne brevette pas le virus de la grippe, mais on brevette quelque chose qui porte la main de l'homme. Et il existe 5 brevets de l'Institut Pasteur concernant des SARS-CoV-1 et des SARS-CoV-2. Donc ça existe, il y a des brevets américains, des brevets européens, donc c'est pas totalement le fruit du hasard non plus, donc indépendamment de ce qu'on peut reprocher à Fourtillan ou autre, en tout cas, ces brevets, l'existence de ces brevets associés aux toutes les informations que tu as rappelées et que l'on découvre, eh bien, tout ça prouve bien que la guerre biologique, c'est possible, et que je pense qu'on n'était pas tout à fait dans l'erreur en supposant que c'était envisageable dès le début. Oui, on est dans une phase de bioterrorisme global menée par cette oligarchie établie qui redoute en fait la révolution, hein, pour des raisons objectives sur lesquelles je me suis déjà exprimé. Je ne vais pas y revenir maintenant, mais c'est clairement une frappe à caractère bioterroriste global qui se veut, de leur point de vue, préventif pour se préserver d'un effondrement brutal qui serait lié en fait aux piles de dettes sur lesquelles ils sont assis. Hein. Donc, et j'en veux pour preuve les déclarations aujourd'hui, cette semaine, du patron de Moderna, très, très révélateur. Je lis, hein, la pandémie de Covid-19 rythme une bonne partie du quotidien des êtres humains depuis début 2020. Alors, la source, ça, c'est le Parisien. Alors que cette période a été teintée d'espoir et de déception, et alors que la tendance est à une amélioration dans les pays où la vaccination est la plus large, un calendrier de sortie définitive de crise pourrait se dessiner. Stéphane Bancel, donc, qui est un milliardaire membre du Forum économique de Davos, je le précise, le patron français de Moderna, qui fabrique un des vaccins contre la maladie, table sur une fin de la pandémie en 2022. Dans une interview au quotidien suisse Neue Zürcher Zeitung, il estime qu'il y aura suffisamment de doses pour vacciner tous les habitants de la planète au milieu de l'année prochaine, donc mi-2022. Il insiste sur la nécessité d'une dose de rappel pour les personnes âgées et fragiles vaccinées au début de la campagne. De plus, son entreprise travaille sur, je cite, « un rappel annuel qui couvre toutes les maladies respiratoires d'origine virale ». Fait-il savoir, les patients recevraient une seule injection et seraient vaccinés contre plusieurs virus. Il juge que la technique de vaccination ARN messager permet d'envisager, par exemple, des combinaisons de vaccins contre le coronavirus et la grippe. Stéphane Bancel dresse ainsi un parallèle avec les déclinaisons annuelles de smartphones et de leurs logiciels. Dans le temps, il explique que chaque année, on veut ajouter plus de virus comme on ajoute une application à un iPhone. Le vaccin deviendrait un produit aux applications multiples avec des mises à jour annuelles, dit-il. Pour lui, les vaccins combinés qui offriront une protection contre plusieurs virus, dont le Covid-19, seront sur le marché en 2023. De premiers essais cliniques auront lieu avant la fin de cette année. Ces perspectives de développement devraient permettre à Moderna d'augmenter les effectifs de son siège européen qui se trouve en Suisse à Bâle. Voilà. Donc en fait, on a l'origine de cette attaque bioterroriste globale, on la connaît, on l'a tracée. Ensuite, la pseudo-solution, bon, on en connaît l'origine aussi, la pseudo-vaccination. Et maintenant, ça y est, c'est-à-dire qu'on vous dit, on va vous injecter quelque chose tous les ans, ça ne sera pas que contre le Covid, ça sera contre d'autres trucs, et il y aura un update comme un téléphone portable. Alors on vous le dit, c'est une fois par an, bon, s'ils vous disent demain, c'est 3 fois par an, c'est la même chose, c'est le même tarif, hein, c'est pas vous qui allez décider. Donc de facto, les gens ne sont plus maîtres de leur organisme, hein, leur corps vient d'être... Enfin, il y a eu une OPA hostile sur le corps de tous les vaccinés. Je ne sais pas s'ils l'ont compris, ils le comprendront suffisamment tôt. Tout ça pour dire que voilà, c'est pas un one shot, c'est censé être durable. Alors Alexis, qu'est-ce que tu en as à dire de ça, de cette déclaration, de cette mise à jour ad vitam aeternam, comme un iPhone, un smartphone? Oui, bah on peut en dire que il fallait être bien naïf pour penser que ce serait que une dose ou deux doses, C'est évidemment une dose tous les 6 mois où ce que tu rappelles est tout à fait corroboré par ce qu'a dit le ministre israélien de la Santé, qui a dit que le pass sanitaire expirerait au bout de 6 mois en cas de non-renouvellement de la vaccination. Il y a aussi quelque chose de, c'est le docteur Vernon Coleman qui en a parlé dans une vidéo récente, mais bon, ça fait écho à une actualité certainement officielle en Angleterre, le spray nasal, donc il y a une sorte de vaccin grippal, mais par le biais d'un spray nasal, mais qui sera administré aussi aux enfants, que l'on veut vacciner de plus en plus jeunes également. Donc vous voyez que là, alors si vous croyez aux vaccins et aux efficacités des vaccins, alors là vous êtes servi, hein. Par contre, si vous êtes un peu méfiant ou si vous êtes un peu sur le, vous êtes pas certain que nos élites nous veulent du bien, là par contre, effectivement, il y a plus que jamais du souci à se faire. Oui, puisque tu parles d'Israël, il y a aussi un moment qui a été filmé où c'est la ministre de l'Intérieur israélienne qui discute avec les autorités sanitaires israéliennes, et il y a un responsable israélien, donc du ministère de la Santé, qui lui dit. Parce que visiblement, elle n'est pas trop versée dans les questions sanitaires. Il dit, mais de toute façon, le passeport sanitaire n'a aucune fonction médicale. C'est purement pour mettre la pression aux non-vaccinés. C'est ce qui est expliqué. Hein. Donc ça, on le sait. En fait, le passeport n'a aucune espèce de justification. Rappelez-vous qu'au départ, il a été justifié en disant, c'est pour limiter l'apparition de clusters. C'est-à-dire qu'il ne pouvait y avoir que des gens vaccinés, rentrant dans des espaces publics, et donc des gens en bonne santé qui ne portent pas le virus. Puis très vite, au bout de quelques jours, on a vu que ça ne limitait absolument rien. Et ils ont changé de discours. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, tu as le passeport sanitaire, mais ça ne limite pas la circulation du virus. C'est tout. Voilà. Mais tu l'as quand même. Voilà. Il n'y a plus d'effort de justification de ce point-là. Donc vous avez bien compris que tout ça est un montage, c'est un enfumage global pour justifier des mesures de coercition tout à fait évidentes. Quoi. Mais c'est un plan. C'est un plan. Et maintenant, nous avons l'origine du plan. Donc, comme sa suite, d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire qu'entre les actions de Tatsak et de Barrick, pour citer que cela, leur lien avec Bill Gates et maintenant la stratégie de Moderna, pour ne citer que son PDG, Bancel, on voit bien que tout s'enchaîne comme prévu. Et il fallait vraiment, comme tu l'as dit, être naïf pour croire que c'était l'histoire d'une piqûre. Quoi, hein. Non, c'est un nouveau paradigme social, une prise de contrôle totale sur les individus. Et face à ça, là, les gens, c'est à eux de se déterminer. Mais je veux dire, vous pouvez pas vous en sortir sans prendre de risques, quoi. C'est évident. Enfin, ou alors vous acceptez aveuglément la soumission, et vos risques et périls, parce que vous prendrez des piqûres toute l'année, et vous saurez pas du tout ce qu'ils mettront dedans. Parce que vous savez même pas ce qu'ils vont lâcher comme arme biologique. Hein. On a découvert. Qui travaillait sur une version du MERS, létal à 30%, pour l'améliorer et potentiellement le faire circuler. Alors si on parle d'un taux de létalité de 30%, vous imaginez bien, et entre le Covid et le MERS à 30% de létalité, ils ont sûrement d'autres coronavirus moins létaux, mais quand même plus létaux que le Covid, pour renforcer la pression. Donc on est clairement dans une confrontation avec ces gens-là, et ils ont décidé d'opter pour de l'armement biologique, afin de soumettre radicalement les populations. C'est évident, on en est là. Maintenant, on a tout en main, je veux dire, voilà, on a tout en main, et on ne peut plus tellement... je veux dire, on ne peut plus tellement feindre le doute, etc. Voilà, maintenant, c'est bon, quoi, on le sait, quoi, on sait ce qui s'est passé, on sait leurs intentions. Oui, on avait déjà vu de quelle manière le monde politico-médiatique et sanitaire, etc., pouvait créer des épidémies sans qu'elles existent véritablement, parce que déjà, il suffisait de faire croire aux gens que beaucoup de gens mouraient, alors que chaque année d'habitude et chaque jour en France comme ailleurs, il y a plusieurs centaines de personnes qui meurent. Donc il suffisait pour eux d'insister là-dessus, c'était une des manières de faire, de dire que le virus était totalement nouveau, qu'on ne le connaissait pas, bon. Il y a une part de vrai là par contre là-dedans. Il y avait d'autres manières consistant aussi à concernant les tests PCR, qui est quelque chose d'assez louche et qui est quand même un des instruments de cette épidémie, puisqu'on dit oui, mais il n'y a pas beaucoup de morts, mais par contre il y a beaucoup de malades. Donc on avait parlé de ça une fois, c'est-à-dire qu'en fait les gens qui sont vaccinés, quand on leur fait des tests PCR, le cycle d'amplification et les cycles d'amplification sont moins importants, ce qui fait que, enfin, je termine, et alors que les gens qui ne sont pas vaccinés, on augmente davantage le cycle d'amplification, c'est-à-dire qu'on cherche à trouver ce que l'on cherche, et qu'on cherche à dissimuler ce qu'on ne veut pas trouver, c'est-à-dire la présence du virus encore chez les gens qui ont été vaccinés. Donc tout ça pour dire que maintenant on sait aussi qu'on a, il y a une autre manière permettant de créer l'épidémie, c'est tout simplement de diffuser le virus par aérosol ou en infectant des animaux que l'on relâche. Pour l'instant, il va falloir encore un petit peu préciser la chose, mais maintenant on sait que c'est vrai et que ça a eu lieu, tout simplement. Ouais. Oui, et probablement les variants d'ailleurs, hein. C'est-à-dire que, imaginez, ils ont ça en aérosol, ils ont ça dans la poche, ils vont dans des élevages ou dans des concentrations de population, hop. On en met un peu sur les fruits sur un marché, on en fait, voilà, et personne ne voit rien, et on dit, tiens, il y a un cluster qui est apparu là, etc. Vous ne pouvez absolument pas déterminer l'origine du truc, c'est impossible, si vous voulez. Et de toute façon, il n'y a pas de volonté gouvernementale de vérifier quelles sont les origines des clusters. Ouais. Donc, mais sachez que, et c'est la révélation de ça, hein, de cet article du Télégraphe, c'est qu'en fait, ils ont des moyens portatifs de diffuser le virus, hein, de manière très discrète, etc. Des virus et de nouveaux variants ou de nouveaux coronavirus, je veux dire. Hein, ils ont tout ça en main. Et donc, je veux dire, vous allez me dire, mais comment font-ils? Bah, la différence, c'est qu'en fait, ils ont l'appui des États. C'est-à-dire que c'est l'oligarchie qui le fait. C'est le haut de la pyramide qui le fait. C'est pas le bas, c'est pas du terrorisme classique. C'est pas des groupes dissidents, opposants qui, par le bas, essayent de contester l'ordre établi. C'est le haut qui recourt au terrorisme, d'accord? C'est du terrorisme d'État. Donc, l'État a les moyens d'investigation, a les moyens pour mobiliser des juges ou pas des juges, des policiers ou pas des policiers, et donc, s'il décide de pas chercher, il va pas trouver, quoi. Et évidemment, comme il y a une espèce de grande conspiration globale en Occident parmi les élites pour justifier toutes leurs mesures d'urgence et de contrôle des populations, bah on va pas chercher ce qui les justifie, à savoir l'origine du Covid-19. Et c'est ce qu'on a vu avec Datsak. C'est-à-dire que le mec qui demandait du pognon pour mettre au point des coronavirus transmissibles à l'homme ultra dangereux était celui qui était chargé par l'OMS et par le Lancet de déterminer, entre guillemets, l'origine du Covid. Et il disait, non, mais c'est d'origine naturelle et animale. C'est ce qu'il a dit très tardivement, je dis. Hein. Le journal Le Monde a maintenu cette version jusqu'en juillet, s'indignant que des gens osaient encore dire que ça pouvait être originaire d'un laboratoire. Je ne sais pas si vous imaginez, il y a encore 2 mois de ça. Pareil pour Mendès France, hein, la bouche menteuse juive Mendès France. Et pareil pour Conspiracy Watch du juif Rudi Reichstadt, qui est en train de faire le flic pour dire qui ment pas, alors que les mecs sont en train de couvrir l'un des plus gros actes de terrorisme de l'histoire du monde. Je veux dire, c'est quand même ahurissant ce qui est en train de se passer. Il y a un autre vecteur possible, c'est tout simplement la vaccination elle-même. Vu qu'ils ont rendu obligatoire la vaccination pour la population tous les 3-6 mois, qu'est-ce qui leur empêche de foutre un nouveau virus dans les doses de vaccins et de contaminer la population comme ça? C'est très facile. Il n'y a pas besoin de ça. Enfin, il y a simplement juste que avec la vaccination, il s'agissait de démarrer la machine, éventuellement de faire apparaître de nouveaux variants quand on en a besoin, mais en fait, la pression vaccinale pousse le virus à muter. Donc, la vaccination en elle-même, en fait, alimente la pandémie. Ça, c'est absolument juste. C'est d'ailleurs la critique qui a été formulée dès l'origine contre la vaccination durant cette pandémie, qui n'a pas été respectée, bien entendu. Et en fait, plus on va vacciner, plus on va déverser de l'essence sur l'incendie. Donc, ça, c'est entendu. Maintenant, les nouveaux variants qui sont censés... Soit ils apparaissent organiquement sous la pression vaccinale, soit pour aider un peu, je veux dire... On les développe en laboratoire et on va les vaporiser à droite à gauche. Et le vide laissé par la vaccination sera rempli par des variants conçus en laboratoire pour être très efficaces. Et en fait, ce scénario peut virtuellement durer toujours. Quoi, hein, c'est ça, quoi. Hein, mais... ouais, ce qui est certain, c'est que, jusqu'à preuve du contraire, aucune épidémie n'a été arrêtée par une vaccination. Ça ne veut pas dire qu'aucun vaccin n'a fonctionné, mais prenez la variole, la tuberculose, la peste, il n'y avait pas de vaccin à l'époque, le choléra, il n'y a pas eu de vaccin, aucune épidémie, à moins qu'on nous prouve le contraire, mais là j'ai fait des recherches et je ne suis pas le seul, je m'appuie sur des médecins qui eux-mêmes ont fait des recherches, ont passé toute leur vie à faire ça, bah non en fait, hein. Et même des gens que l'on sanctifie quasiment aujourd'hui comme Pasteur, bon il y a eu énormément d'enfants qui sont morts suite aux expérimentations de Pasteur concernant la rage. Robert Koch, vous connaissez Robert Koch Institute en Allemagne, bon, l'équivalent de l'Institut Pasteur, c'est Robert Koch a trouvé le bacille de Koch ou Koch, on dit en français aussi, bon, bah, C'est quelqu'un qui a fait une expérimentation sur un premier vaccin concernant la tuberculose. Bon, il y a eu 20 000 morts de son vaccin, puisque en fait, le virus n'était pas mort, il s'est diffusé, il a infecté les gens, il les a tués. Donc, je ne dis pas qu'en aucun cas un vaccin peut fonctionner, peut-être que parfois, dans le cadre de certaines maladies, c'est efficace, mais là, déjà, il y avait de quoi se méfier. Bon, il y a les adjuvants, on a déjà parlé plusieurs fois. L'ARN, messager aussi, ou en tout cas l'ARN, on sait qu'il y a des fragments d'ARN dedans. Après, dans quelle mesure est-il messager? Bon, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais en tout cas, on sait que c'est dangereux. Et non seulement si ce n'est pas dangereux la première fois, ce sera peut-être dangereux la deuxième, peut-être la troisième, peut-être la quatrième. Qu'en sera-t-il de ces enfants dans 30 ans? Puisqu'on voit quand même qu'il y a des maladies neurodégénératives qui se déclarent de plus en plus. Bon, il y a l'autisme chez les jeunes qui est en train d'exploser, notamment aux États-Unis. Certains y ont vu la marque du vaccin HeroR fabriqué par Merck, notamment le docteur Wakefield. Bon, à l'avenir, qu'en sera-t-il de Parkinson, de la multiplication d'Alzheimer? On ne sait pas. Est-ce qu'il en sera en 2050? Est-ce qu'on sera toujours en vie pour le dire? En tout cas, il y a de quoi être inquiet, mais ce qui est quelque part encourageant, c'est que ce genre d'information soit diffusée. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a encore une des sources d'information possibles. Donc, d'une certaine manière, essayons de garder espoir. Tout à fait. À la semaine prochaine, chers amis. Salut. À la semaine prochaine.